Et bonsoir, bienvenue sur la petite pause JDR pour un nouveau numéro de Des hauts et des bas. Et qui dit des hauts et des bas, évidemment, dit bah, débatteur. Aujourd'hui, je suis avec 5 personnes, hein, vraiment génial, hein, en commençant déjà par Grenadine. Bonsoir, Grenadine. Bonsoir. Alors, présente-toi un petit peu. Bien entendu, excuse-moi. Me présenter en quelques mots, je vais faire très simple. Je vais en parler parce que ça a un peu rapport aujourd'hui, mais je suis en licence, enfin licence de cinéma, autrice, réalisatrice, et de temps en temps, je refais des vidéos sur l'Internet. Voilà. Et sur quel média on peut te retrouver ? Principalement Twitter, parce que bah je partage un peu tout et partout. Si pour suivre mes courts métrages, c'est sur YouTube aussi, parce que pour l'instant j'ai pas mieux. Et pour mes écrits, et bah pour l'instant ils sont pas sortis, donc nulle part. Ok, ça marche. Merci. Hein. Et donc nous avons avec nous également Taogula. Bonsoir Taogula. Alors. Taogula qui est un peu loin, on me signale à l'écran. On m'entend pas. Hein si, on t'entend, mais... Tant mieux. Oui, du coup, voilà. Alors, présente-toi un petit peu. Du coup, ouais, moi, rôliste, classe préparatoire, et actuellement, je gère un serveur Discord sur lequel il y a de l'écriture, essentiellement. Ok, ça marche. Et nous avons également avec nous à la cocaïne. Bonsoir, Vache-sama. Bonsoir. Donc oui, hommage à Solipsis qui m'appelle Vache-sama. Je suis rôliste, un peu invétéré de partout, avoir testé pas mal de choses, jusqu'à du jeu de rôle qui est proche justement du cinéma et de l'art, enfin du théâtre. Je suis là en tant que rôliste invétéré plutôt que des auteurs, des créateurs, donc je vais probablement raconter beaucoup de conneries, et vous allez pouvoir me corriger et pouvoir aussi débattre sur ce que je raconte. Eh bien, tant mieux, hein. Nous avons également aussi avec nous Ezekiel de Grimoire et Tentacules. Alors oui, bon du coup Grimoire et Tentacules, chaîne YouTube dédiée aux jeux de rôle. Je suis pas non plus un expert, donc je vais sûrement rejoindre Vache-sama sur les avis peut-être farfelus. J'ai travaillé dans le monde du cinéma... pour des chaînes nationales, mais c'était l'écriture. Moi, alors autant dire que le reste est un monde qui m'échappe. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et il y a également Greg, hein, notre procrastinateur du soir, hein, qui est avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, Grégoire, je suis créateur, réalisateur et co-présentateur de l'émission Icosaèdre sur YouTube, que les gens ne connaissent plus. Bref. Et sinon, je suis un grand cinéphile, je regarde énormément de films, j'aime beaucoup l'analyse de films, et je suis moi-même photographe spécialisé dans les books de comédiens, donc je fréquente pas mal le milieu audiovisuel de Montpellier, on va dire, et vidéaste, il m'est arrivé de tourner de la fiction, donc j'ai un petit peu le pied dedans, très légèrement, voilà. D'accord, d'accord. Et bah oui, comme vous l'avez entendu, c'est vrai que ce soir, on va parler de JDR, mais aussi de cinéma, finalement. Hein. Le rapprochement entre le JDR et le cinéma, est-ce que le cinéma, c'est vraiment l'art qui permet de se rapprocher le plus du JDR, hein. Est-ce que, bah, finalement, dans nos parties, en tant qu'OMJ, on prépare des petites intros, des scènes post-génériques, ce genre de choses, hein. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de tout ça pendant 2 heures avec vous. Évidemment, vous pouvez également réagir sur le chat Twitch, que je salue, d'ailleurs, hein, y a beaucoup de monde hein, sur le chat Twitch. Bonsoir à tous. Et du coup, bah, on va poser la première question. Hein. Bah, le cinéma est-il l'art à rapprocher le plus du JDR, selon vous? Qui veut se lancer là sur ce Moi, j'aimerais poser une autre question d'abord. Oui. Qu'est-ce qu'un art? Et comme ça, on est sûr qu'on en a pour toute la soirée. Alors, oui, c'est sûr, c'est sûr. Hein. Mais bon, là, on essaie quand même de rapprocher du JDR, mais bon. On reste sur la définition contemporaine d'un art post-Walter Benjamin, je pense. Ça devrait on vérifier sur oui, l'art maintenant, il n'y a plus la beauté divine, tout ça, et on est en mode c'est bon, le cinéma qu'est-ce ça rend qu'on dedans. Considère comme beau. Et là on peut partir très loin. Donc oui, non, mais là, c'est sur la définition actuelle. Là, Vache-sama, sinon ça va toi. Non, mais oui, j'ai mangé de l'herbe récemment, c'était bien. C'est juste que quand j'ai vu cette thématique, je me suis dit, personnellement, un des arts que je considère comme art à rapprocher plus du JDR que même le cinéma, c'est les jeux vidéo. Et du coup, et je sais que c'est pas la thématique de ce soir, mais c'est pour ça, tu vas définir l'art et tout ça. Mais après, il y a, des rapprochements entre le JDR et le cinéma, enfin entre le jeu vidéo et le cinéma aussi. Bah, après, le jeu ce soir, on considère le jeu vidéo comme un art sans aucun souci. Hein. Oui. Bah, là, je me demande activement pour que le jeu vidéo soit considéré comme un art. Mais du coup, ouais, non, on va pas commencer à dire non, mais c'est pas vraiment un art. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet non plus pour ce soir. Hein. Bah, de toute façon, je pense que je vais parler très prosaïquement, moi, très très loin du côté artistique. Ça va être pourquoi il y a des liens entre les deux pour moi, et je pense que ça va pas aller très du coup. Moi, je veux bien commencer par quelque chose, hein, parce que je pense, déjà, c'est mon avis personnel, parce que si je devrais répondre la question en un seul mot, ça serait non. Mais parce que pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus proche du jeu de rôle. Rien que dans sa structure, rien dans ce qu'il utilise, ce qui en fait un art, c'est la littérature. Pour moi, le jeu de rôle, on est beaucoup plus dans les mots que dans l'image. Le jeu de rôle tire énormément de choses. On a des livres de base, tout est un lien finalement avec les mots, avec la littérature. Et donc au final, je commence directement par ce gros paquet-là, mais pour moi, s'il y a un art à rapprocher, en vrai, il n'y en a pas qu'un seul, ça serait stupide de dire j'en prends qu'un seul, hein, évidemment. Mais si on devrait s'en intéresser à un qui, pour moi, amène plus de choses au jeu de rôle, c'est en partie la littérature. La littérature et le théâtre aussi, qui est régulièrement mis en corrélation avec le jeu de rôle. Tout simplement parce qu'il y a du théâtre d'impro et il y a des choses qui se rapprochent énormément dans les thématiques, dans les sujets et dans la manière d'essayer d'être devant. Il y a quelqu'un qui est en train de souffler sauvagement dans son micro, j'ai super mal aux oreilles. Je pense que c'est Théogoura qui souffle régulièrement dans son micro. Mais ouais, ce serait plus le théâtre. Mais ça revient aussi à la littérature, parce qu'au final, c'est suivre un script, c'est suivre en général un truc écrit à part pour du théâtre d'impro, qui reste quand même niche dans le théâtre. Mais dans la mise en scène, même autour d'une table ou ce genre de choses, quand on voit des huis clos dans des toutes petites salles, pour moi, ça serait plus ça que du cinéma. Même si, en fait, dans l'imaginaire, on va énormément piocher dans le cinéma parce que on en côtoie énormément et on va avoir des mises en scène qu'on peut ramener du cinéma. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Ah bah vas-y. Non, je voulais juste lancer un pavé dans la mare. C'est pas que je suis pas complètement d'accord. Il y a deux choses personnellement que j'aimerais dégager de cette idée-là. La première, c'est que le jeu de rôle, étant donné qu'il est un type de loisir, un type de pratique basé sur l'imagination, forcément on peut le relier à tout ce qui va être attrait à l'art, en tout cas l'art narratif. Parce que, par exemple, étant moi-même photographe en tant que professionnel et en tant qu'auteur photographe, j'ai déjà réfléchi à de quelle façon je pouvais associer la photographie au jeu de rôle et à part pour faire l'illustration, le lien peut être compliqué. Alors que dès qu'on est dans un narratif, que ce soit de la littérature, du cinéma, des jeux vidéo ou même des séries télé, puisqu'on en a pas parlé, le jeu de rôle va tout de suite faire un pont. Et pour le coup, juste pour rebondir par rapport à ce que disait Grenadine sur la littérature, je trouve que plus que le cinéma encore, on a perdu Tagoura. On a perdu Tagoura. Il est parti dans un univers alternatif. Apparemment, ta contestation du général l'a pas plu, il a préféré se partir. Non, mais j'avoue que c'était un peu provoque, c'était un peu réac, je suis désolé. Il est toujours là, juste plus en cam. Ah mince. Mais voilà, c'est pas très grave. Okay. Mais vas-y, enchaîne. Non, ce que je disais, c'est que moi, personnellement, je le ressens en ce moment avec la façon dont je pratique le jeu de rôle en tant que MJ, mais aussi en tant que joueur sur les tables. J'ai tendance plus souvent à avoir des liens, des ponts avec les séries télé, en fait. Notamment, je pense à Tales from the Loop, qui... Évidemment, le lien avec Stranger Things est évident. Voilà, par exemple, où... on a une campagne de Game of Thrones avec Alexandre, mon acolyte de l'émission, et lui en fait il a une idée que lui avait proposé Ramos, qui avait déjà fait des débats ici. Pour le principe, c'est d'avoir un générique de début, un générique de fin à chaque session, qui permet de créer des épisodes à chaque chapitre de la partie et tout ça. Oui, c'est alors... vrai que... Vas-y, Grenadier. Si je peux réagir, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que en fait, pour moi, ce qu'on peut s'inspirer du cinéma, bah, c'est sa narratologie, en fait, finalement. C'est ça qu'on tire du cinéma. C'est encore une fois, bah, c'est quelque chose avec les mots, le jeu de rôle. Et du coup, bah, les images au cinéma sont très dures à réutiliser. Tu peux pas faire un cut, tu peux pas faire un cadre, c'est très compliqué. Mais du coup, effectivement, ce qu'on en retire, c'est la narratologie. Et à partir de là, je suis totalement d'accord, la série télé, ça marche totalement. Et c'est en fait, finalement, c'est vraiment ce que tu disais, et là, je te rejoins totalement, c'est ce qui est narratif, en fait, qu'on arrive à ressortir vraiment de n'importe quel art. On prend ce qui est narratif, et là-dessus, par contre, le cinéma, ça, c'est excellent. Parce que tu regardes un film, tu peux avoir plein d'idées, du coup, de scénarios, de scènes, etc., à mettre. Et pour le générique, pareil, j'ai un MJ qui adore ça, qui, à chaque fois qu'il finit une session, il met une musique en mode c'est le générique de fin, on parle pas pendant 2 minutes. Comme ça, ça nous fait une sortie, en fait, de l'univers avant de retourner chez nous. Donc, je suis totalement d'accord là-dessus. Il y a des codes quand même à reprendre. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que bah, moi, j'ai eu l'impression surtout qu'il y avait bah, ce système, je dirais, un peu de narration qu'on prend de la série ou du cinéma, surtout depuis qu'on voit de plus en plus d'actual play. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on construit, enfin moi je sais qu'en tant que MJ, je vais plus facilement construire ça, de cette manière-là justement, de faire des teasers ou autre, hein. Penser au public finalement. Oui, parce que t'as une médiatisation de la partie du coup, donc c'est tu vas récupérer des codes qui fonctionnent dans des médias auxquels le public a l'habitude. Bah après ça reste quand même un cas particulier, parce que bah, si le sujet c'est du JDR... Bon, les vidéos qu'on peut faire, nous, c'est quand même un cas très spécifique, quoi. C'est vrai qu'en temps normal, moi, quand je joue une table avec des copains, je vais rarement m'amuser à faire autant de décorum et de travail, d'annonce, de teasing. Bon, je pense que c'est quand même une particularité, là, le coup des actual play. Ça a peut-être un impact, positif ou négatif d'ailleurs, c'est qu'on finit par devenir la vision cinéma de plein de joueurs qui regardent et qui vont se dire « Oh là là, c'est comme un ciné, pourquoi j'ai pas ça chez moi ?» Sauf que quand c'est un film, on comprend bien que vu le budget ou le travail autour, on pourra pas le faire chez soi. Et encore, parce que finalement, YouTube, il y a plein de trucs où on le fait chez soi et ça marche plutôt bien, mais il y a quand même une marge. On est vraiment trop spécifique, je pense, pour vraiment être relié au cinéma. Moi, je trouve ça trop... Je trouve qu'il y a une marge beaucoup trop grande pour pouvoir parler de ça. On est trop précis là-dessus. Et que le JDR, c'est pas nous, quoi. C'est pas l'actual play, donc... Après, dans les codes qui sont repris et que j'utilise même hors de l'actual play, il y a un truc que j'utilise régulièrement et qui a été précisé en début, c'était les scènes post-génériques. J'ai tendance à le faire régulièrement dans mes parties. Une fois que la partie est terminée, je fais une scène qui ne se passe en dehors de la scène avec les joueurs et ça tease la suite du scénar et voilà. Est-ce qu'on voit Thanos dans tes scènes post-génériques ? Non. Non, la scène post-générique n'est valide que si on voit Thanos. Je suis assez d'accord avec Greg là-dessus. J'aimerais qu'on en parle. Il a raison. D'accord, on va s'arrêter là. Okay. Non, en parlant de scènes, justement, un truc qui m'amène à ça, c'est que quand on essaie de se rapprocher du cinéma, on a aussi plus de découpage en scène, par de moins de trous, où en fait, bah, on a une scène avec un goal, enfin, un but commun, soit à un personnage ou à d'autres choses. Il faut accomplir ce but avant de transitionner vers une autre scène qui va nous amener sur autre chose. Plus ou moins bien, en fait. C'est, plus on se rapproche du cinéma, plus ces coupes vont être importantes. Ça va pas être en mode on finit la scène, puis ça dure pendant 15 minutes où je vais parler au tavernier et repartir en ville, faire d'autres trucs. En fait, pour essayer de se rapprocher de la série ou du film, il y a moins de perte de temps là-dessus où, en fait, on doit plus avoir nos scènes qui sont structurées. Du style, on a un but à accomplir, une fois qu'il est accompli, on laisse pas la scène durer à l'infini, on coupe et on passe à autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais c'est intéressant parce que ça dit des choses sur ta manière de concevoir le jeu de rôle et ce que tu veux masteriser. Je sais que moi, typiquement, quand je masterise, je fais tout pour séparer au maximum par rapport à des liens justement avec le cinéma et tout. Je sais que j'ai un de mes MJ fait totalement l'inverse. Il dit même des absurdités qui, des fois, me sortent totalement du jeu. Quoi. Il parle de bandes noires, des trucs comme ça. Moi, je... D'accord. Il y a des bandes noires, si tu veux. Mais on laisse faire. Parce que bon, je suis pas là pour casser le... On bouge en même temps, mais il faut pas être déstabilisé. Voilà. On s'est concentré sur nos voix. Mais vous n'écoutez que nos voix. Ça clignote de partout, ça. Oui. Je suis donc cinéaste. Mais t'en as qui... moi, petit, quand je masterise, je sais que je cherche quelque chose qui est plus proche, en fait, du jeu vidéo, pour le coup. On en parlait il y a pas si longtemps que ça. Mais moi, par exemple, j'ai très envie d'écrire un jeu comme Bethesda, sans les bugs, évidemment. Mais l'idée d'un univers où tu rentres dedans et t'as vraiment une grosse liberté. Et typiquement, moi, quelqu'un qui va parler à un PNJ pendant 15 minutes, pour moi, c'est pas une perte de temps. C'est justement ça qui fait vivre l'univers, qui te fait dire, ça y est, je suis dans un monde concret. Moi, je sais que je passe énormément de temps à écrire des trucs qui ne servent à rien. Parce que c'est juste pour faire vivre l'univers à côté. Et si jamais un jour les PJ tombent dessus, ils auront quelque chose. Et Crime, oui. Je l'écris uniquement comme ça, parce que Crime est sur la chaîne pour les gens qui veulent savoir. Les joueurs ont raté, je sais pas combien d'informations que j'avais écrites. Mais pour moi, c'est parce que je préfère en fait visualiser le jeu de rôle comme ça. Et du coup, c'est intéressant de voir comment tu peux masteriser selon des référentiels différents. Moi, c'est différent en fait. Ce que je disais, c'est quand tu le rapproches du cinéma. C'est-à-dire que masterisé tous mes trucs comme ça, mais si j'essaie de me rapprocher de la manière dont le cinéma fait. Que je le fais pas très très souvent parce que c'est aussi super comment ça s'appelle, parce que ça me consomme beaucoup d'énergie d'essayer d'être tout le temps à donf pendant tous les trucs et de pas avoir 5 minutes à avoir un type qui va parler à un caillou pour essayer de voir si c'est un piège voilà ce genre de truc où bah, en fait tout le monde est à 200% pendant 6 ans et au bout d'un moment bah, la tension va redescendre, les scènes vont aussi se dégrader parce que les gens n'en peuvent plus quoi. Mais ah oui, si je m'essaye de me rapprocher du cinéma, c'est comme ça que je le vois et que je le fais. Mais oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Ça convient pas à tous les jeux, et ça me convient pas à toutes mes parties que je fais aussi. Oui. J'aimerais rebondir là-dessus. Tu parlais de Grenadine, des bandes noires en jeu de rôle. Alors, effectivement, c'est agréablement absurde, j'ai envie de dire. Mais ça me rappelle un jeu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bimbo de Grégory Priva. Et là, par contre, ce qu'il y avait d'intéressant dans Bimbo, c'est que les mécaniques de jeu étaient pensées comme si c'était le tournage d'un film, ce qui fait qu'on jouait à la fois des personnages d'un film et à la fois des actrices qui essayaient de ramener la popularité du film à elle, la vedette à elle, et dans une misogynie suffisamment absurde pour qu'on ne la prenne absolument pas au sérieux, bien évidemment. Et y avait des mécaniques comme ça que je trouvais sympa, comme les gros plans, arrêt sur image, flashback, enfin que des termes empruntés vraiment au cinéma, mais qui du coup s'incrustaient bien dans la thématique de ce jeu de rôle puisqu'il était pensé autour de ça. Mais il y a des jeux de rôle qui sont écrits, je sais de quoi je parle parce que c'est le cas du mien qui est en écriture depuis un an quand même, mais il y a plein de jeux de rôle comme ça qui sont écrits. Hollywood par exemple, qui fait pas mal de références aux films noirs et qui essaye d'intégrer quelques mécaniques entre guillemets cinématographiques en version ludique, du coup en jeu de rôle. Ouais, il y a pas mal de jeux de rôle qui essaient de jouer là-dessus sur une cinématographie. C'est vrai que quand c'est pensé par contre par le jeu, il peut y avoir des choses du coup très intéressantes de rapprochement entre une cinématographie et quelque chose de ludique. Le jeu quoi. Déjà, on en arrive en fait à la non-réponse qui va être le résultat final, je pense. C'est oui, bien sûr. Est-ce que c'est là à rapprocher de dire oui, peut-être, parfois, selon la personne, ça dépend. Ça va être compliqué. Ça veut dire que c'est un bon débat. C'est ça, voilà. Voilà. La réponse n'est pas évidente. Mais c'est le but, hein, justement, hein, de ne pas avoir de réponse justement toute faite hein, pour quelque chose comme ça. Non, par contre, alors c'est pas forcément qu'il a rapproché, mais c'est clair que là où il a un impact, c'est que je pense que de plus en plus, notamment les joueurs les plus récents peut-être, on a tendance par réflexe à imaginer les scènes de ce qui se passe, tout ça, comme un film, comme une série. On va visualiser en fait la scène, elle est vivante, on est en train de voir les personnages, on imagine les costumes, et finalement on joue dans notre film, on pourrait fermer les yeux et faire l'histoire en continuant, on sera encore plus dans le délire. Quoi. Il y a quand même un impact, comme c'est visuel, qui est très fort et qui se force un peu son chemin, d'ailleurs, hein, parfois dans l'esprit du joueur, parce que tu essaies de lui expliquer un détail ou une scène un peu particulière, t'as forcément tendance à la rapprocher de ce qu'on connaît. Fait du médiéval maintenant, sans que personne ne pense à Game of Thrones, à la série Game of Thrones, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire des réflexes. Forcément, on a bouffé la série pendant des années, bah, tu parles, tu imagines un truc, paf, il a la tenue de tel personnage Lannister ou tel personnage machin, alors que tu ne l'as jamais dit. T'as quand même un impact. C'est pas forcément qu'il a rapproché, mais en tout cas, il s'est placé là, quoi. Alors, c'est pas le cas. Ça a pas toujours été le cas. Par exemple, moi, quand je joue à Donjons Dragon, je pense pas au film. Ouais. Ah non. Je suis d'accord, mais en fait, parce que je pense que c'est plus global là que le jeu de rôle. Je pense que on a développé ces dernières années un vrai imaginaire qui est beaucoup plus visuel. Enfin, ces dernières années, décennies, hein, complètement. Mais oui, le cinéma a pris une grande place. Et il n'y a pas que le cinéma. puisqu'il s'est développé au XXe siècle. Donc, on a eu plein d'autres arts visuels. On a eu, avant ça, on a eu la photographie, mais on a eu aussi la bande dessinée, qui est visuelle, qui est aussi un art du montage. Enfin bref, aujourd'hui, on a un imaginaire qui est très, très visuel. Donc, c'est pour ça, finalement, c'est vrai que c'est normal, je pense, qu'un rapprochement qui se fait... En fait, il faut savoir comment le rapprocher. En fait, tu vois, il faut savoir le contrôler, ce rapprochement. Moi, je sais que, par exemple, encore une fois, j'ai un joueur qui adore mettre du cinéma dans son jeu de rôle, hein, qui me fait aussi MJ de temps en temps. Moi, dans mes sessions, je lui dis, il n'y a pas de ça. Tu vois, genre, à un moment, il me parlait des zooms, j'ai fait, non, là, il n'y en a pas. On est dans un univers cohérent, il n'y a pas. Et tu vois, quand lui, il le fait, là, on serait dans un film, là, la caméra dézoomerait, on voyait ça. Et tu vois, je pense que tu peux le contrôler quand même, ce rapprochement. Tu peux dire des fois, évite absolument de le faire. Tu peux dire des fois, fais-le. Après, effectivement, par exemple, si tu joues à Game of Thrones, bon, moi, j'ai pas vu la série, je ne connaîtrais rien de. J'aime pas, j'ai vu qu'un épisode, j'ai pas aimé. Mais tu me montres, tu me dirais, là, il a telle tenue, je dirais, d'accord. Mais à part ça, effectivement, tu joues à Game of Thrones, oui, essaye, je pense qu'il faut essayer de jouer sur des codes, il faut essayer de voir si tu peux essayer de tilter. Ou à l'inverse, ça peut être très amusant de dire, surtout, oublier toute la série et on fait ça. Ça peut être aussi un parti pris. Voilà. J'ai tout et rien dit en même temps. Ouais, mais c'est compliqué. Ça va être compliqué. Parce que l'image, elle est imprégnée. Quoi. C'est ça qui est compliqué. Même quand t'as pas envie de tirer t'y coller, une image, c'est plus facile à se rappeler, effectivement, qu'une description. Quoi. Donc, t'as vite le parasitage, je dirais, quand même. Comme toute œuvre grandement populaire, ça s'est imprégné dans l'imaginaire collectif. Oui, oui, totalement. Ouais, ouais. Taogura, tu voulais rebondir? Oui, je disais que régulièrement, moi, dans mes parties, j'ai tendance à me dire, oh, ça rendrait trop bien en film la scène, visualiser la scène et se dire que si un jour c'est mis sur papier et que quelqu'un lit le résumé de partie et se dit, oh, je vois la scène et j'ai envie de le faire en film, ça pourrait être classe d'un jour d'avoir des films et des séries inspirées de parties de jeux de rôle. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Oui, vas-y, je pense... Vous l'avez lancé. Parce que, sache, Tagora, que tu n'es absolument pas le premier à avoir eu cette idée, puisque j'ai par exemple deux séries en tête, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, entre ceux qui assument les rapports avec les jeux de rôle et ceux qui sont juste inspirés et tout ça. Mais tu as la série Firefly de Joss Whedon, si je dis pas de conneries, qui était littéralement une partie de jeu de rôle qui a été adaptée en série. Et ça, il l'a avoué quelques années plus tard. Et même plus récemment, les romans The Expanse sont une adaptation d'une grande campagne de Traveler qui a été faite dans les années 80-90 par les auteurs. Parce que c'est deux auteurs qui sont derrière The Expanse, et donc la série est inspirée des bouquins qui sont inspirés de la partie, et il y a un jeu de rôle qui va sortir, enfin qui est sorti même, je crois, il a pas sorti été sorti en anglais. Voilà. Et il y a même un jeu de rôle de Firefly aussi. Voilà. La boucle est bouclée. C'est ça. Des exemples comme ça, on peut en trouver plein d'autres encore. Oui. Ne serait-ce qu'en influence directe ou indirecte, le jeu de rôle a quand même bien laissé sa marque dans le cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma inspire le jeu de rôle, le jeu de rôle inspire le cinéma. Et juste pour anecdote, De Genesis est actuellement sur un catalogue que les producteurs peuvent piocher. Donc peut-être un jour on aura une série Netflix De Genesis, on ne sait pas. Pourquoi pas, pour l'anecdote. Là, on a bien eu une série Tales from the Loop, donc je me dis pourquoi pas. Ouais. Je l'ai pas encore vue, alors je sais pas si elle est bien. Ça se pareil, pas encore vue. Bon, après, d'ailleurs, une campagne de jeu de rôle qui a l'air sympa à faire en film ou en série ne veut pas dire qu'elle le serait, remarque. Hein. Faut se méfier quand même de ce que peut donner la transmission de l'un à l'autre, parfois c'est pas fait pour. C'est ça, après, c'est un métier, hein, écrire, tout ça. Pardon, non, je voulais juste dire, c'est un métier d'écrire. Moi, je sais que je m'amuse énormément à créer des scripts à partir de nos sessions, mais des fois, je prends des énormes libertés parce que un jeu et une fiction, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je disais que les séries dont je parlais étaient inspirées de campagnes de jeux de rôle, ce ne sont pas des retransmissions directes parce que, effectivement, c'est des formats tellement différents en termes de représentation narrative que. Ouais. Que tu peux pas garder tous les éléments que t'as en jeu de rôle et vice versa d'ailleurs, tu peux pas reprendre tout ce que t'as dans un film pour en faire un JDR, des fois ça marche pas. Tout à fait. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des inspirations finalement de tous les côtés, hein. Et au niveau de l'écriture de scénario, ça vous arrive justement d'utiliser peut-être des codes du cinéma, je sais pas, je pense au fusil de Tchekhov par exemple, ou ce genre de choses, vous êtes déjà arrivé? Complètement. Donc, bah, vas-y. Ah bah toujours le coup du fusil de Tchekhov, hein, de leur faire un petit truc. Ouais, alors tu vois, il y a une bombe, mais elle est pas allumée, t'inquiète, ça va bien se passer. Puis troisième acte, deux heures plus tard, elle est allumée, hein, ça va péter. D'avoir ce genre de choses, enfin des telltales, mais aussi d'utiliser d'autres moyens narratifs, hein, de faire des cinématiques. C'est-à-dire en mode vous avez fait tout un truc et on a un passage sur le grand méchant qui arrive avec sa grande armée. Je vais tous leur péter la tronche et ils arrivent. J'ai tendance à le faire aussi. Si je peux troller un tout petit peu, cinématique, c'est du jeu vidéo. Oui, mais en gros, tu sais, genre le FMV, la full motion, machin. C'était pour troller, mais parce que c'est voilà. Pour le coup. Mais en fait, tu sais, ce qu'on en revient aussi à la scène d'ouverture. C'est un peu ce que t'as avec le Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses, où t'as une scène d'ouverture qui est narrative où les gens ils sont juste en train de voir en mode on a eu la terre du milieu qui s'est formée et tout le monde s'en bat un peu les couilles parfois, mais ça a quand même une grande force de mettre le ton que tu vas avoir dans ta partie. Et ça, en général, je l'écris en début pour avoir un début qui est fort, pas forcément qui dure de plomb et demi, mais qui va donner le ton et le thème de la partie. Ça, c'est important et c'est un truc qui a emprunté des séries et du cinéma, en fait. Dans les quelques premières lignes et les quelques premières images, il faut que tu accroches ton public. Bah, sinon, ils vont s'en foutre. Enfin, ils sont pas là. Ils vont pas juste, pour tes beaux yeux, apprécier ce que tu es en train de faire. Donc, ouais, tu places finalement ton univers au tout début par une petite présentation narrée. D'accord. Moi, je suis le contre-exemple, c'est parce que je déjà t'as dit quand vous écrivez votre scénario, et je suis le contre-exemple type parce que je fais tout en impro quasi total au pif quand on se rend compte qu'on a oublié qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, non, c'est vrai que après utiliser des méthodes cinématographiques dans le scénario au cours de l'histoire, parce que on finit par les absorber. Hein. On les nomme pas forcément d'ailleurs. Maintenant, on parle du fusil de Tchekhov. C'est pas forcément un truc qu'on sait nommer. Hein. Pas forcément des choses. Alors, Fidget Chekhov, c'est peut-être un des plus connus, donc ça, je pense quand même que c'est le... Mais il y a plein de techniques cinématographiques qu'on ne sait pas nommer, mais à force d'avoir vu du film, du cinéma, on finit par l'absorber toute seule. Et on les utilise assez intuitivement, je trouve. Même pas forcément sans les avoir préparés, sans les avoir réfléchis. Il y a des façons de faire qu'on a pris l'habitude de voir, parce qu'on a regardé des histoires, et il y a quand même des techniques qui sont utilisées, réutilisées, réutilisées. On finit par la connaître, hein, on finit par savoir intuitivement, il pourrait se passer ça, parce que dans les trois quarts des films que j'ai vus, de toute façon, il se passe ce genre de choses, ça ne me surprend pas. Ce qui est marrant aussi, d'ailleurs, c'est qu'on peut bluffer le joueur qui l'a absorbé autant. Ça, c'est aussi le côté sympa, c'est que toi, tu l'as absorbé, mais ton joueur aussi, donc... C'est les codes pour les retours. Ouais, en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi cet avantage du jeu de rôle, c'est que tu peux adapter en fonction de tes besoins. Quoi. Parce que, effectivement, au cinéma, une fois que c'est décidé, tu vas pas commencer à t'amuser à chambouler pendant que t'es en train de tourner le truc, parce que sinon ça va commencer à gueuler dans la production. mais voilà, en JDR, t'as cette magie-là, c'est qu'au pire, t'as ton truc génial, ton fusil de Tchekhov, tu sais que là, voilà, ça va être le truc péchu, ils vont dire ah merde, c'était là depuis le début. Ben, en fait, ils y retournent jamais, ils le verront jamais. C'est pas grave, toi, t'as pas problème. C'est ça aussi la limite, c'est que les techniques, toi, tu peux te permettre de le passer outre alors que tu les as attaquées, tu vois, tu peux avoir lancé le sujet, et ben après, tu peux en avoir rien à battre en cours de route parce que tes joueurs sont partis ailleurs, sont partis... Ça, c'est quand même un côté sympa aussi qui nous éloigne du cinéma, pour le coup. Ou alors, ils peuvent l'avoir repéré dès le début et l'utiliser directement, et du coup... Et puis en plus, ce qui est marrant aussi, c'est que ça, c'est un autre défaut peut-être de l'imagerie, du cinéma, etc. qu'on a. C'est vrai que très souvent, quand un type, c'est le salaud de l'histoire, t'as souvent l'idée que c'est le type, il a l'air louche. Tu dis ça à un joueur, ouais. Il l'aurait vu à l'écran, il serait dit, il a l'air louche, mais je sais pas. Mais là, tu lui dis, il a l'air louche. Ton joueur, c'est bon, c'est mort. Ça peut être le mec le plus sympa de la planète. Il a l'air louche. À un moment, on m'a dit, il a l'air louche. Il est forcément pourri. Et ça, c'est ce côté rigolo aussi. C'est pareil qui t'en éloigne. Parce que tu as des règles simplifiées aussi. Une fois que tu as une image, mais toi, tu peux jouer avec. Mais à peu près, voilà, c'est ça. Tu peux jouer avec, en fait, contre où c'est leur meilleur allié, finalement. Mais voilà, et c'est vrai qu'en une phrase, tu peux pourrir un personnage. Hein. Ça peut être fini pour la tête de tes joueurs. Hein. Il suffit. Un truc tout bête, hein, mais ça, vous pouvez. Moi, je sais qu'un des trolls préférés. C'est d'écrire des trucs qui servent à rien à un joueur. Quand tu lui dis, il commence à mettre sa main près de sa poche, Le joueur, il est foutu de buter le mec en pleine rue, alors que le type s'apprête juste à sortir sa montre ou son téléphone. Hein. C'est ça aussi, c'est que nous, on a un impact, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui va interagir. C'est pas, toi, tu peux vouloir imaginer une scène super sympa où tu te dis, ben, oui, moi, c'est du cinéma que je visualise, il va se passer ça, ça sera beau, ils vont décider ça. Sauf que ton joueur, lui, il sait pas ce que t'as en tête, il va faire ce qu'il a envie de faire. Donc ta scène avec ta construction bien mathématique, où tu avais bien conçu un truc, un plan magnifique, eh ben tu l'auras pas dans ton jeu, parce que ton joueur il s'en fout de ton plan magnifique, il s'en fout de tes scènes, de tes actions, de tes séquences, hein. Lui il va faire son truc. Donc t'as ça aussi, c'est que finalement on va imaginer cinéma en permanence, et en même temps on va s'évertuer à faire ce qu'on peut pour que ça y ressemble, tout en n'étant pas d'accord, parce qu'on communique pas forcément, ben, tu vas pas dire à ton joueur, là tu dois faire ça, ça et ça, pourquoi ? C'est plus joli. Tu vois, je vais dire, bah écoute, dans ce cas, tu me files le script, on fait du théâtre, si tu veux, ça sera peut-être plus simple. Hein, clairement. C'est très intéressant parce que on est justement du coup sur cette dualité entre avoir une inspiration purement cinématographique en image, comme tu le disais toi-même, et avoir une inspiration plus littéraire où ce qui compte, ça va être vraiment les mots, où tu vas mettre les mots en avant, et du coup, tu vas pas construire en image la scène, tu vas construire ça avec des mots, un ressenti, un point de vue interne, parce qu'on sait que le cinéma a beaucoup de mal avec le point de vue interne. Alors, bon, désolé Greg, je suis sûr que tu peux sortir plein de réalisateurs qui adorent le point de vue interne, moi aussi, mais on va dire en général, le cinéma a quand même plus de mal avec le point de vue interne. Mais bon, on sait que c'est faisable en vrai. Mais, je sais pas ce que c'est le point de vue interne. Non, je veux dire, attends, attends, attends, attends, attends. De ne pas faire de blague graveleuse. un point de vue vraiment intérieur au personnage, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans son point de vue, dans ses émotions, dans quelque chose qui est qu'à lui. Ça, c'est quelque chose que fait beaucoup la littérature, hein, même avec un narrateur qui est externe. Là où le cinéma, bah, en fait, comme il est déjà externe aux acteurs, etc., bah, forcément, on a plus tendance ça. Et pour le coup, je pense que le film noir n'est pas tellement dans le point de vue interne. Je pensais plus à quelque chose comme Bresson et la psychologie, tout ça, vu qu'il a tendance à partir dans des trucs très sympas. Bresson, Breton, je ne sais plus de qui je parle. Tant pis. C'est pas important. En tout cas, il y a Breton qui lance ça. C'est sûr. C'est le début. Ouais, voilà. Avec la notion du narrateur, tu me fais penser à Forrest Gump, là. Et ce qui est marrant avec Forrest Gump, c'est que ça utilise les techniques du narrateur vocal pour faire passer un pseudo au point de vue interne, et qui va toujours être en décalage avec le point de vue externe, vu qu'il y a la simplicité d'esprit du personnage principal. Bah, en tout cas, pour rebondir du coup à ce que disait notre ami Ezekiel, du coup, je pense qu'il y a vraiment deux façons où tu peux vraiment soit être très cinématographique, mais du coup, c'est ce que tu dis, c'est que tu peux t'imaginer des trucs et bah, les autres sont pas dans ta tête en train d'imaginer ton image. Donc forcément, il y a un décalage. Là où je pense que si tu t'intéresses plus forcément à la littérature ou au théâtre, etc., mais ce genre d'art qui utilise principalement les mots, il y a plus de chances que ça marche, que tes mots vont être faits pour être compris par tous. Alors forcément, c'est là l'équipe du jeu de rôle, c'est de trouver les mots qui laissent assez de liberté aux joueurs pour qu'ils puissent chacun s'imaginer ce qu'ils veulent sans que ce soit trop contraignant à devoir expliquer pendant 4 heures un détail, mais en même temps trouver les mots justes pour que chacun n'ait pas un décalage entre chacune de leur imagination. Et ça, je pense que on est beaucoup plus en fait dans quelque chose qui est avec les mots qu'avec les images cinématographiques. Si encore une fois, bah, quand tu m'assurises de façon cinématographique, il y a effectivement des risques. Bah, comme tu dis, tu vois, tu dis ouais, ce personnage est louche, mais en fait, du coup, tu leur donnes déjà une indication. Ils sont déjà bah oui, il est louche. Alors que si tu vas aller dans les mots, tu vas aller chercher sur comment faire comprendre qu'il peut avoir une allure louche, mais plus de manière amenée différemment, plus... j'ai pas les mots, mais je sais pas, de manière un peu détournée. La complexité, ça va être voilà, donner une image qui ne soit pas une image préfabriquée dans la tête du joueur. Et alors ça c'est compliqué, parce qu'il faut déjà du vocabulaire. Ça, c'est pas compliqué. Ouais, on a la chance quand même d'avoir une langue qui est particulièrement riche, puisque tu veux décrire quelque chose, t'as de la dose. Après, bon, effectivement, si tu pars dans une description où la moitié de tes joueurs te regardent en faisant « ça veut dire quoi ?» Ça va être compliqué, quoi. C'est faisable tout de même. Moi, je sais quand je joue à Écrim, parce que ça se passe au XVIIIe siècle, j'ai été chercher du vocabulaire du XVIIIe siècle, donc j'ai lu pas mal de littérature XVIIIe, XIXe. J'ai été chercher des mots qu'ils utilisent, qu'on nous n'utilise plus du tout. Et en fait, je leur ai donné une fiche de vocabulaire. Toutes mes descriptions ne sont pas comme ça. Hein. C'est juste un mot de temps en temps pour mettre une ambiance, en fait. Et en plus, au passage, ça les éduque un peu, parce qu'après tout, les vieux mots ont leur charme. Défendons les vieux mots de la langue française. ils sont très bons. Et n'empêche qu'aujourd'hui, à cause de ça, j'utilise de manière totalement honnête le mot Piesa, qui est en fait une alternative à jadis. Sauf que Piesa, on ne l'utilise plus, jadis, on l'utilise. Et bah moi, maintenant, en fait, à cause des crimes, je dis tout le temps Piesa. C'est fini, c'est rentré dans. Et je trouve le mot joli, en fait. C'est pour ça qu'en plus, il y a une sonorité, il y a une beauté dans les mots. Et, je veux dire, on fait quand même une activité où on va passer quand même quelques heures entre potes. À blablater, hein, concrètement. Oh, hein, oui. On peut s'imaginer en train de faire des grands articles de cinéma, concrètement, on est autour de la table, on fait « Alors là, tu fais ça. » C'est l'occasion, justement, d'apprendre du vocabulaire, d'avoir des discussions sympas et d'avoir des descriptions chouettes entre potes. Quoi. Moi, c'est aussi chouette d'avoir des gens avec qui tu peux, effectivement, avoir une discussion peut-être plus poussée, plus travaillée sur certains thèmes, où tout le monde va être là « Ah oui, c'est peut-être que ça veut dire... » Tu vois, il y a un côté rigolo... Et d'ailleurs, qui ne s'est pas amusé un jour ou l'autre à faire genre, même un gamin, hein, je parle comme quelqu'un de distingué de telle ou telle époque. Alors oui, tu utilises un langage qui est dégueulasse, qui n'a rien à voir avec l'époque, mais c'est pas grave, dans ta tête, ça sonne bien. Donc il y a ce côté rigolo, quoi. Ça reste une activité de la parlotte. Hein. Donc c'est le mot qui compte, oui. Jusqu'au reste, même oui, si on s'imagine. Là encore, je pense que ce que tu dis, tu vois, ce rapport au langage qu'on va utiliser, un langage pseudo-soutenu qui est censé représenter le vieux français, ce genre de choses. Là encore, je trouve qu'à mon avis, il est très influencé par l'image qu'en donne le cinéma. Les incohérences, anachroniques et tout ça dans le cinéma, il y en a des tonnes, y compris dans les films qui se revendiquent historiques. Mais je pense qu'en linguistique, c'est le pire. Puisque, bah, tout simplement, un film, si tu le fais pas dans une langue qui est compréhensible par les spectateurs, même si tu parles dans un vieux français ou quoi que ce soit, le film, il passe pas. Hein. Les visiteurs, s'ils parlaient dans le vrai français médiéval de l'époque, ce serait beaucoup moins drôle. Hein. Bah, c'est déjà là, à part un expert, et encore un expert qui a bien révisé, personne ne comprendrait quoi que ce soit. Donc... Ah oui, mais la langue en cinéma, c'est toujours un peu compliqué à gérer, surtout quand il y a des films de certaines nationalités qui se passent dans un autre pays, et qui sont en mode, oui, non, mais on va dire qu'ils parlent anglais, mais en fait, c'est du russe. Il y a un film, par contre, qui avait bien géré ça, mais je ça sert à rien que j'en parle, parce que j'ai oublié c'est lequel. Mais dans tous les cas, je trouve ça toujours très intéressant. De... ouais, je suis très précise, hein, surtout. Mais il y avait un film, moi, en tout cas, qui avait bien géré ça. Donc... voilà, mais n'empêche que si vous voyez un jour, vous direz, ah, elle parlait peut-être de ça. Oui, ça sera le... mais c'est ça. moi, j'ai le contre-exemple, puisque j'ai vu Red Sparrow il y a quelques jours, dans lequel tu as une tripotée d'acteurs britanniques et américains qui parlent tous avec un accent russe dégueulasse. Et c'est ridicule. De toute façon, le film est très mauvais, mais... Juste, j'aimerais rebondir sur la question, parce que moi, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans le jeu de rôle quand celui-ci s'inspire du cinéma, c'est qu'aujourd'hui, on parle même d'une catégorie d'action, de type de règles dans les jeux de rôle. Donc, quand on va parler des règles un peu plus pulp, c'est-à-dire de type de règles dans les jeux de rôle qui vont favoriser les actions rapides, qui vont favoriser les résolutions de situations rapides, et généralement, c'est héroïque. Et ça va être soit des jeux assez communs, mais avec des éléments de règles comme ça qui vont permettre de donner des scènes beaucoup plus dynamiques, soit carrément des jeux qui sont pensés autour de tout ça. Moi, personnellement, le premier jeu de rôle que j'ai fait de ma vie, c'est un jeu de rôle qui n'est pas très connu, un jeu de rôle français qui s'appelle Circus, qui est un jeu de rôle d'espionnage, mais James Bond, c'est du cinéma d'auteur scandinave à côté, hein, pour vous donner la dynamique du truc. Et toutes les règles sont pensées voilà, autour des logiques de cinéma. Et donc, il y a vraiment cette notion de pulp qui est intéressante en jeu de rôle. Et juste, ça me faisait penser, là, quand tu as posé la question, Alshad, il y a l'inverse aussi, quand le jeu de rôle permet d'inspirer des mécaniques de travail pour la création de scénarios. Et j'ai tout de suite pensé au jeu Fiasco. Alors, Fiasco, ce qui est très drôle, c'est que Fiasco est un jeu de rôle totalement inspiré du cinéma, à 200%. Il assume complètement, principalement des films des frères Cohen ou de Tarantino et autres. Mais la mécanique de création d'histoire qui est profondément narrative, je suis sûr que Volsung serait très ravi de jouer à ce jeu avec nous, profondément narratif partagé en plus, permet en tout cas, si on utilise les mécaniques du bouquin, de créer rapidement un cadre de scénario qui peut être très très pratique à utiliser pour du cinéma, pour de la création cinématographique. Et même au niveau de la résolution, enfin en général sur Fiasco, où t'arrives en fait sur les scènes finales, et où t'as les tableaux de « ça se passe très mal pour toi » à « ça se passe pas bien », en général. Et pour de la résolution, en fonction de tout ce qui s'est passé dans l'aventure, en général, donne des fins assez surprenantes. Des fois, il y a des gens qui s'en sortent super bien, alors qu'ils sont pris plein la tête pendant tout le scénario. et pour avoir une fin glorieuse de tu sors de l'explosion tranquillement pendant que tout le monde est en train de décéder derrière toi. Et ouais, pour du scénario, ouais, je vois fiasco. Sinon, des trucs comme A Single Moment qui sont très basés sur du flashback. Ou en mode, on est là pour de la résolution de duel. On va, en fait, tout le scénario, enfin tout le JDR, c'est des flashbacks en fait. En gros, on est en face, on va se mettre un coup d'épée. Mais on va voir tous les moments qu'on a vécu ensemble, pourquoi on est arrivé jusqu'ici pour se mettre sur la tête et s'entretuer. Et, ouais. Et donc ça marche pareil, en fait, c'est des résolutions de scénario qui vont être découlées des mécaniques. Qui peuvent donner des films et autres. Après, Sauveur en jeu narratif, pareil, qui n'est pas forcément cinématographique dans son intention, enfin il s'en déclare pas, mais qui peut avoir cette même idée de. Vu que le but c'est qu'on va s'intéresser à chacun des personnages et de s'il va plus ou moins du coup passer du côté des sauveurs ou de ceux qui rejoignent les méchants, il y a aussi ce côté-là où du coup, bah t'es là, tu fais, mais du coup, pourquoi tu es devenu méchant? Ah bah attends, je vais t'expliquer. Et t'es totalement là-dedans avec les sauveurs, et j'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs. Mais Hollywood, pareil, qui a une mécanique de jeu qui est du flashback que j'ai volé magnifiquement dans mon jeu de rôle à moi. Mais c'est non, mais pour le coup, j'ai cherché à faire différent, mais leur mécanique en fait est parfaite pour ce que c'est. Donc, ouais, au bout d'un moment, tu fais OK. vous l'avez trouvé avant moi. C'est bien, c'est maintenant à moi. Bah après, ouais. Le reste est de mon invention, donc ça passe. Mais c'est vrai que le côté flashback dans Hollywood est super bien géré, et à ce côté-là, qui marche bien en plus avec le noir, même si je suis pas tout à fait d'accord avec leur vision du noir, mais ça c'est moi qui adore chipoter, mais c'est pas question aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bah en jeu un peu pulp, je me souviens, l'un des premiers que j'avais joué, c'était Feng Shui. Aussi qui poussait finalement vers ce côté d'essayer de faire du grandiloquent finalement hein, ouais, je crois qu'il y avait même une classe, c'était un acteur de film, je crois, qui avait justement cette capacité à faire un peu n'importe quoi et de réussir du coup. Oui, ah oui, non, Feng Shui c'est très fun là-dedans, c'est marrant parce que en plus la même boîte, c'est aussi eux qui font Wulin, hein, qui du coup n'est pas du tout cinématographique, parce que Wulin c'est les romans chinois de KPP, et ouais. Mais ils ont quand même réussi à trouver ça pour refaire n'importe quoi avec, parce que bah, dans Wulin c'est dans le qui sera le plus meilleur héros qui fait des pirouettes, etc. Et donc en fait c'est genre les joueurs en fait choisissent la difficulté, donc même un truc comme je me ramasse une pomme avant qu'elle tombe, ça peut devenir un truc épique avec ça sans salto, etc. Du coup c'est marrant parce que c'est le même, enfin c'est plus ou moins les mêmes créateurs, et je sais pas si c'est le même auteur, mais je sais que c'est en tout cas la même boîte d'édition. Bah, je connais Nicolas Henry qui a fait Wulin, je sais pas si c'est lui qui a fait Feng Shui, et je vais éviter de dire des bêtises, mais en tout cas c'est marrant parce qu'il y a aussi cet aspect, même si pour le coup c'est pas du tout cinématographique, mais on retrouve ça, et même eux parlent quand même un peu des films, notamment de la production chinoise, tout ça, d'arts martiaux qui peuvent s'amuser comme ça avec les codes, où on s'en fiche finalement de la gravité, ce qui compte c'est qu'il y a des jolies prises qui vont dans tous les sens. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que finalement on se rend compte que bah, y a des codes qui sont employés, mais il y a aussi bah, des JDR qui vont inspirer bah, le cinéma. Les deux se nourrissent hein, les uns les autres, hein, donc c'est intéressant de voir ça finalement. Et puis il y a des JDR d'univers de cinéma. Il y a des JDR d'univers de cinéma. Par exemple, il y a le JDR Doctor Who qui est basé sur la série Doctor Who. Mm-hmm. Ou alors plein d'autres. Il y a le JDR James Bond. Aussi. Probablement. Après, je cherche pas, c'est un truc. Il y a le JDR. moi, je connais un jeu, ça s'appelle Star Wars. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah aussi, non. C'est plein d'affaires. Partout. C'est adapté d'un film d'Octobre. Oui, un film. Je connais pas. Star Wars. Non, par contre, je trouve ça les assez. Les guerres de l'étoile, s'il vous plaît. Les guerres de l'étoile. On parlait de langue française tout à l'heure, on va rester sur les guerres de l'étoile maintenant, ça sera. C'est une histoire avec le Millennium Condor, avec des chics tabac, enfin, c'est bizarre. Non, parce que ce que je trouve marrant, c'est que depuis tout à l'heure, on fait souvent le pont, directement, sans se poser la question, entre cinéma et série. On en parle au même niveau, et ça représente bien, je trouve, ce à quoi ressemblent les séries dans notre esprit d'aujourd'hui, puisqu'elles ont énormément gagné en qualité d'exploitation, en qualité de réalisation, en budget. Et une série comme Game of Thrones a eu un budget largement équivalent à beaucoup de films. Et voilà, je trouve ça juste amusant de voir que on fait le pont entre les deux. Moi personnellement, je sais que c'est parce que j'ai envie que les deux soient au même pied. Tu vois, aujourd'hui, la série n'a plus beaucoup de choses à envier en termes de cinématographie au cinéma lui-même. Elle s'est énormément inspirée et les séries comme Breaking Bad, Game of Thrones ont su tirer leur épingle du jeu grâce à ça. Donc c'est pour ça que moi j'en parle vraiment en mode série cinéma. Moi je considère les deux sur la même chose. Okay. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai qu'ils sont maintenant sur un pied d'égalité. Hein. Oui, peut-être que certains certains extrémistes du cinéma seraient pas d'accord, mais bon. En vrai, voilà. Ça dépend de quelle série tu parles. Hein. Voilà. C'est pas la même chose littéralement, mais en termes de cinématographie, la série a su se développer ouais. De manière très intéressante. Depuis le temps. Oui, quand tu vois la série, du coup, c'est pas. Quand tu vois les écarts aussi, t'es avec voilà, de la bonne vieille série B avec du budget nul, mais en fait, ce qui la rend charmante, parce que voilà, s'ils avaient des super, super trucs et que tu regardais le scénario, tu pourrais avoir bah non, c'est mort, en fait, je vais pas regarder ça. mais ça donne aussi des trucs, parce que voilà, un JDR que j'adore reste du paranoïa, et moi la série B j'en mange par grande plâtrée parce que voilà du comique de situation et des conneries comme ça sont très très bonnes, et s'il y avait des super effets spéciaux et autres, bah, ça ruinerait un peu le truc parce qu'on aurait plus cachet du mec à la main, le caméraman qui a deux doigts de se casser la gueule et qui passe dans le champ, tu vois, pendant qu'il y a des gens qui sautent sur des trampolines, quoi. J'ai envie de te dire, il y a les séries B que t'aimes regarder, et il y a les séries B que t'aimes pas regarder, quoi. Voilà, et en fait, faut que ça soit assez nul pour que ça devienne légendaire. Voilà. C'est tout un travail, le nanar. Hein. Mais après, pour quand même rebondir sur Greg, c'est vrai que la série est quand même très intéressante à rapprocher au jeu de rôle aussi. Déjà parce qu'elle avait une approche beaucoup plus narrative que cinématographique. Hein. Beaucoup de séries avaient ce qu'on reprochait, cette réalisation. Télévisuel à base de bah, s'il faut quelque chose soit important, on le filme en gros. On réfléchit pas, c'est deux personnes parlent, chant contre chant. Donc voilà, c'était une. Beaucoup, il y a pas mal de séries qui ont été réalisées comme ça. Mais du coup, ça fait qu'elles ont une narratologie qui est quand même un peu plus soignée parce qu'ils se basaient tous là-dessus. Et finalement, la série, c'est quand même quelque chose qui s'étend sur énormément de temps. Comme certaines campagnes de jeux de rôle sur lesquelles tu peux t'inspirer en mode bon bah tu vois ça peut être sympa, bon après je serais pas du genre à dire il y a des saisons des trucs comme ça, mais il y a quand même t'as quand même des campagnes, tu peux faire plusieurs campagnes d'un même jeu, tu peux, je trouve il y a quand même un lien qui est intéressant en termes de narratologie entre la série et le jeu de rôle peut-être à faire ouais. Si c'est pas beaucoup mes sources à moi, mais... Je veux juste rebondir sur un commentaire d'Arféor là sur le chat Twitch. Il oui. dit aimer les nanars, c'est comprendre les clichés du cinéma. Et je suis complètement d'accord avec lui parce que effectivement, ce sont des concentrés de purs clichés. Et du coup, ça me fait réagir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où tu disais que pour toi, Hollywood, c'est pas forcément ta définition du film noir. Je comprends ce que tu veux dire parce que de toute façon, le film noir définit tellement de styles différents. Mais je pense personnellement, quand je joue à Hollywood, j'ai plus l'impression d'être dans un Sin City qui ouais. n'est pas un nanar, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui est un film par contre qui caricature à mort le genre ouais. du film noir. Et donc je pense que c'est plus un jeu voilà, qui va prendre le pas sur la notion de caricature du genre et du coup bah, plus facilement distribuer les clichés, les tenants et les aboutissants qui sont liés à ce genre-là que de partir vraiment dans la profondeur du genre lui-même. Je suis totalement d'accord parce que c'est la raison même bah, de création de mon jeu à moi, ce qui est un jeu de rôle qui a pour but en fait d'adapter en jeu de rôle le film noir, et qui en fait au début quand j'ai vu Hollywood je me suis dit merde mon projet n'a aucun sens, puis je l'ai lu et j'ai dit mais en fait si, parce que moi je veux faire quelque chose limite encyclopédique en fait du film noir, avoir quelque chose qui est vraiment très proche avec une vraie analyse cinématographique et comment en fait du coup en tirer un jeu sans tomber justement dans les clichés etc. Donc du coup oui je suis totalement d'accord avec toi, Hollywood a cet aspect, on a pris les codes du noir hein, et on les exagère pour pouvoir en profiter. Mais d'un côté, je les comprends, parce que c'est beaucoup plus simple et c'est une cible beaucoup plus facile à faire. Tu dis aux gens, tu vois plus ou moins ce que c'est du noir, viens, on s'amuse avec ça. Et puis les gens vont directement s'imaginer, les détectives avec leurs cigares à boire de l'alcool, etc. Ce qui n'est vraiment pas des codes du noir, en vrai, c'est un peu difficile à alors, parler. Alors, tu vas te calmer tout de suite. Ah non. Ah, mais on en parlera si tu veux, parce que je pense que c'est pas le sujet de ce soir, mais pour moi c'est très difficile d'appeler ça du noir, c'est du pré-noir, du film gris si tu veux, mais dans 10 minutes on va commencer à deviser sur les peintures. Non mais attends, ça c'est du gris sombre. Ça, je me pas, monsieur. Non, c'est pas en aplat, ça, ça. C'est un vrai genre, le film gris, pour la culture, si vous voulez. C'est quand le film noir a été repris par l'extrême droite, et c'est les dernières années du film noir avant le néo-noir. Et c'est ça qui a repris énormément les codes du pré-noir avec les détectives, etc. C'est pour ça que ça me dérange un peu que ce soit ça le cliché du noir, parce que, bon, voilà, c'est d'extrême droite, ça me plaît pas. Mais bon, pour revenir du coup à dire que les gens d'aiment l'extrême droite n'aiment pas les noirs. Je pose la question. Il n'y a qu'un pas, mais on peut le dire. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Cette part politique, je vais pas rester dessus parce que je vous avoue que c'est pour avoir une bagarre ensuite dans mes commentaires YouTube. Coupe ton micro sur Grid Femme, s'il te plaît. Voilà. Si je peux éviter d'avoir une guerre civile dans les commentaires YouTube ensuite sur la semaine prochaine, ça serait pas mal. Donc je vous avoue, je ne vous suivrai pas sur les commentaires du verbe. J'ai déjà eu le droit au truc du genre pour la moindre phrase qui part, donc je... jamais. Non, mais, voilà. Mais du coup, pour Greg, je voulais juste dire que j'étais d'accord pour Hollywood. Je comprends totalement le côté cliché de la chose. Et c'est vrai que c'est très cool de jouer des fois avec les clichés du cinéma, totalement. Comme Bimbo, tout à l'heure, on en a parlé. Et sur d'autres choses. Dans les clichés qui peuvent être utilisés également, il y a le fait que, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais le fait que les joueurs peuvent s'attendre à des clichés de, après avoir vu plein de séries, avoir reconnu des éléments de scénario et utiliser. On disait tout à l'heure qu'on pouvait utiliser ça, mais il est possible. J'utilise ça de temps en temps, mais le joueur reconnaît le truc, du coup je fais durer la chose afin de que le joueur il dise ah mais non, en fait il a le MJ a tenté de ne suit pas les codes du cinéma pour pouvoir réutiliser le code du cinéma derrière. Ouais. Oui, mais c'est Ezekiel qui en parlait c'est une très bonne façon de jouer avec les attentes, effectivement. Or Volsung qui nous vas-y termine. Bah justement, je vais réagir à Volsung. Ah parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Parce que oui, effectivement. Donc, déjà, Volsung demande hein, l'ironie dramatique, on en parle. Ce qui échappe à la connaissance des personnages, mais pas des joueurs. Type les scènes d'intro, au même moment, au bord du croiseur l'impitoyable dans le scénario Star Wars d'époque, par exemple. Et alors, je suis d'accord, mais sauf que l'ironie dramatique, c'est pas particulièrement cinématographique. Hein. C'est quelque chose qui existe dans la littérature, ça existe absolument partout. Donc, je comprends ce que tu veux dire, notamment par rapport à Star Wars, mais c'est pas particulièrement cinématographique comme procédé d'écriture, l'ironie dramatique. Et on peut le pratiquer de bien d'autres façons, et on peut le pratiquer uniquement avec ton propre univers de jeu de rôle. C'est-à-dire que tes personnages ont vécu quelque chose, ou par exemple, moi j'écris une nouvelle pour mes joueurs. Les joueurs ont lu la nouvelle. Dans cette nouvelle, il y a une révélation sur un personnage, mais eux, quand ils jouent leur personnage, ils sont obligés de mettre de côté cette information. Donc, c'est pas particulièrement cinématographique, mais je comprends. Ouais. Du coup, vous utilisez ce genre de code certaines fois, vous, dans vos scénars ça vous arrive, sans QMJ? C'est ce que je disais justement avec le coup de la scène cinématique entre guillemets, oui, voilà, c'est ça. Où en fait si on passe à quelque chose d'autre complètement où ils sont pas censés le savoir, mais ça rajoute de la tension ou un peu de comment ça s'appelle, on va dire de garniture autour de l'histoire. C'est à dire que là on a que le point de vue de l'équipe, mais de temps en temps avoir un point de vue distant peut apporter pas mal de choses. C'est exactement l'idée, ou de faire une nouvelle qui va donner des choses, ça rajoute de la consistance à l'univers. Oui, moi je le disais tout à l'heure, mais j'utilise régulièrement sur mes parties la scène post-générique à la fin avec des trucs que les joueurs ne voient pas, mais que ils se disent ah wow, ça va être encore plus bordel à la prochaine session. Bon, Volsung du coup dit merde, je m'ai fait eu. Ça veut dire qu'on a bien répondu. A priori, ouais. Je pense que, voilà, il a pris. Du coup, je pensais pas que le sujet s'épuiserait aussi rapidement, finalement. J'ai l'impression que... est-ce que quelqu'un veut disons que c'est difficile de répondre concrètement c'est à la question, parce que oui, non, peut-être, c'est possible, ça dépend des gens. Tout à fait. En fait, c'est tellement vaste que finalement, dès que tu dis un truc, bah, forcément, c'est pas vrai. Enfin, ça va être valable parce que tu vas parler d'un point précis, d'une personne précise, d'un univers. Tout à fait. Et donc la difficulté, c'est que ce que tu dis n'est pas vraiment une bonne réponse. Donc, on risque de passer beaucoup de temps finalement à dire. Mais alors évidemment, je parle de ce cas précis et tu dis, mais dans ce cas, si tu me parles d'un point aussi précis, tu réponds pas à la question. En fait, tu dis justement parce que tu n'arrives pas à répondre à la question. Quand on en parlait aussi de comment s'inspirer et ce genre de choses, et des idées inspirées de films directement. Est-ce que vous en avez fait? Et qu'est-ce qui fait que pour les joueurs et pour vous, c'est dans cet univers-là, c'est ce film-là, ou c'est un film que vous avez complètement phagocyté au niveau du scénario pour que ça passe, tu vois, pour le faire découvrir à des gens qui vont pas spécialement le voir autre part. Alors, tu parles en termes d'inspiration pour l'écriture ou de l'écriture, de la manière de faire, en fait. Parce que là, avoir un JDR qui s'inspire d'un film, y a aussi des mécaniques qui s'inspirent du film. Pour essayer d'appuyer le propos. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui est de l'horreur, il y a des mécaniques qui sont censées appuyer l'horreur. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup, quand je peux jouer avec des gens, un Dread, qui est basé sur une tour de Jenga qui commence à bouger au fur et à mesure pour du slasher. Qui, au fur et à mesure, on fait monter la pression et on fait durer ces moments de tension où il y a quelqu'un qui est avec une porte en train d'essayer de mettre des clés dedans une par une. Et du coup, je vais essayer de m'inspirer de quelques slashers. Je suis une grosse flippette, du coup, je sais ce qui me fait peur et j'essaie de l'utiliser. Mais voilà, pour d'autres films, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai pas spécialement pratiqué de JDR qui était spécialisé pour les films. J'ai volé des scénarios complets, mais voilà, du JDR par exemple, Alien ou je ne sais quoi, j'en ai pas spécialement fait. Est-ce que vous avez vu des mécaniques qui étaient intéressantes et qui appuyaient le propos? Pendant que vous jouiez un JDR comme ça qui s'inspire de films. Je me souviens que dans Star Wars D6, à l'époque, les scénarios du commerce étaient toujours le début. T'avais en fait un petit script avec des dialogues entre les personnages. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent ou qui avaient vu ça. Bon, moi, c'était quelque chose que finalement je faisais pas trop, mais il y avait ce petit truc où tu avais personnage 1, personnage 2 et le MJ distribuait un peu les rôles d'avant scénario pour l'ouverture du scénar. C'était spécifique, il y a que Star Wars. Et alors du coup, c'était quoi? C'était genre une petite pièce, chaque joueur il avait son script, il faisait la scène, il la lisait et... C'est ça, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais, c'était assez étrange, C'est original. Ouais, mais ça permet de mettre dans l'ambiance. Ça m'était assez rapidement. En fait, tu commençais plus ou moins dans l'action. C'est l'avantage, en fin de compte, c'est que tu commençais dans l'action. Mais, du coup, oui, ils avaient un script, clairement, au départ. Mais, du coup, pour vous, là, ça fait presque, justement, cinématique. Où, avant le début de la mission, tu vois, tu commences par... Mon Dieu, il semblerait que machin soit... Et là, tu lances le jeu. Ça fait un peu ça, en fait. C'est la petite cinématique d'intro, et tac, ça démarre la partie dans la foulée. Ouais. Mais du coup, là, on part sur le jeu vidéo, est-il là à rapprocher du JDR? Alors là, on n'a pas fini. Écoute, si tu veux, on a le temps, on peut faire tous les arts, et puis on va bien finir par en trouver un, on est d'accord. Après, dans la question, ça sous-entend forcément la comparaison avec les autres arts. Oui, mais bien sûr. Pour ce que tu disais à la cocaïne, est-ce que du coup, il y a des jeux de rôle qui s'inspirent comme ça des mécaniques du cinéma? J'ai envie de dire, j'ai déjà répondu un petit peu avant avec Bimbo, avec Fiasco, avec même les règles pulp en général. Au final, souvent on retrouve des éléments qui s'inspirent du cinéma. Et surtout, j'ai remarqué dans les jeux de rôle qu'ils veulent s'émanciper un peu de la culture classique du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer de sortir du cadre Dungeon & Dragonesque, si j'ose dire, pour essayer de justement de s'approcher à quelque chose de plus accessible, de plus populaire, de plus facilement compréhensible. J'ai remarqué que c'était souvent comme ça. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est la façon dont indirectement on utilise des mécaniques de cinéma dans les jeux de rôle, et ça je pense que ça doit se faire depuis quand même pas mal de temps. C'est par exemple l'utilisation de la musique pour la mise en scène de nos tables de jeux de rôle. Et étant donné qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est d'autant plus facile de mettre la main sur les BO des films, des séries, des jeux vidéo, que ce soit des BO officiels ou que ce soit des compilations de musique épique ou ce genre de choses, parce qu'il y en a des tonnes, on s'en sert énormément. Enfin, moi, je sais que je m'en sers beaucoup pour la mise en scène de mes tables. Et en même temps, ça peut être un piège parce que il faut faire attention à la connotation de ces musiques-là. Je m'explique. J'avais fait une table de Star Wars où le MJ il avait lancé une playlist Star Wars aléatoire sur YouTube. Et du coup, il y avait toutes les musiques Star Wars qui passaient. Ce qui fait qu'à un moment, on s'est quand même retrouvé à être 4 ou 5 joueurs perdus dans les marais sur une planète type Dagobah, à essayer d'attraper une grosse bestiole qui nous avait mangé un truc de notre vaisseau, et du coup, il fallait la chasser, récupérer le truc, et voilà. Et donc, c'était lent, c'était pas évident pour avancer, les actions étaient compliquées, on avait du mal à lui tomber dessus. C'était lourd et intense comme ambiance. Et derrière, on avait la musique de Duel of the Fate. Duel of the Fate, c'est le combat entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Darth Maul dans l'épisode 1. Ouais. Qui est épique as fuck. Et du coup, voilà, là, si tu veux, tu décroches direct. T'entends cette musique, tu décroches, et t'es plus du tout dans le truc. Donc, il faut faire attention quand tu utilises la musique à ce niveau-là, de ce que va représenter la musique, dans l'imaginaire collectif. Parce que ces musiques, si t'entends le thème de départ de Star Wars alors que t'es en plein milieu d'une partie, t'es plus dedans. Ouais. Je rajouterais même que je trouve que les musiques de jeux vidéo, alors ça pour le coup c'est qu'un avis personnel, mais je trouve que les musiques de jeux vidéo marchent mieux que les musiques de films, hein, parce qu'elles sont composées, enfin pas toutes, mais la plupart sont composées quand même de manière à pouvoir être écoutées en boucle, surtout les musiques d'RPG, quand tu traînes, etc. Là où les musiques de films sont souvent composées pour réagir à une action, à une ambiance, et des fois une musique qui commence rapidement. Au bout de 2 minutes, elle devient super vénère parce que dans le film ça marche, au début c'est doux, puis d'un coup ça arrive. Sauf que moi j'ai beaucoup plus de mal à mettre des musiques de films parce que généralement, sauf des films d'auteurs genre Bellatar où les musiques sont magnifiques et c'est un mec qui a des musiques très très lentes, bon là ça marche en jeu de rôle. Mais c'est vrai que par exemple, voilà, mets du Hans Zimmer dans ton jeu de rôle, tes musiques elles font ta ta ta ta ta. Dans l'ensemble, okay, ça marche, ça pète de partout. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai que ça peut marcher dans une grosse scène d'action, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même une préférence pour les musiques de jeux vidéo parce que, ouais, voilà, la plus souvent elles ont tendance à pouvoir boucler assez facilement. Et tout du coup, elles marchent mieux pour une ambiance de fond. Et bon, après, moi je sais que je suis très tatillon sur les musiques, j'adore créer une OST. De Super Mario, ça marche pas du tout. Ça marche moins bien. Ah, on dépend. Si tu joues à Paranoia, ça passe. Ah oui. Ouais. Oui. Mais alors... oui, surtout ça, Geek Library a raison. Mais c'est vrai que aussi il faut faire gaffe à quel point les musiques sont connues ou pas, parce que il dit voilà, si une musique de film est trop connue, ça peut faire sortir les joueurs de la partie. C'est pareil avec une musique de jeu vidéo d'ailleurs. Si on mettait d'un seul coup, là, justement le thème de Mario, tu dis bon. C'est ce que je veux parler par connotation. C'est pour ça que je parle de la connotation de la musique. C'est ce que la musique représente dans l'imaginaire collectif. Totalement. C'est ça qui est très compliqué. Toujours faire attention à son choix musical dans la mise en scène. Ouais, c'est clair, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça sorte. Alors, il y a Volsung qui nous dit, dans Action Movie World, la traditionnelle scène de fesses est une mécanique de jeu. Ça peut faire que votre partenaire meurt de façon tragique vers la fin du film, mais ça vous garantit un move de vengeance pour patater le coupable. Oui, j'en suis encore aux mécaniques liées à un certain genre de film. Ah oui, quand même. c'est des trucs, c'est des actions, là, c'est... Ouais, j'avoue, je connais pas. C'est vraiment des mots-clés d'actions de films, je connaissais pas non plus. Je connais pas du tout ce jeu. C'est sûr, ça peut être drôle. En fait, t'es le scénariste qui fait tous les clichés possibles de films, et t'es là, bon alors, le sexe tue, donc du coup, allez hop, t'es mort. Après, le jeu s'appelle Action Movie World, je pense que ça va être l'attention. Mais ça peut être super marrant en plus, un truc comme ça ultra cliché. Ah oui. Après, voilà, le truc de la musique connotée, ça dépend aussi. Ce qu'on disait sur la musique d'introduction, si tu balances la musique d'intro de Star Wars au début de la partie, et après, hop, tu passes sur d'autres transitions et sur d'autres choses qui sont moins connues, en fait, c'est plus le niveau du timing que c'est intéressant. C'est-à-dire que si c'est connoté et que ça amène des choses, il faut que tu saches bien les poser. Et en général, bah, quand t'es en train de MJ, t'as aussi d'autres choses à faire. Du coup, ça peut avoir ce genre de problème. Mais moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est certaines musiques qui sont à l'intérieur, en fait, de l'univers. C'est-à-dire que vous avez une radio qui est en train de jouer, vous mettez une radio avec un son un peu dégueu. Ça amène aussi quelque chose. Ça, c'est ce qui est fait aussi dans pas mal de films. C'est qu'on a la musique du film, mais on a la musique à l'intérieur de l'univers en lui-même qui va appuyer le propos, appuyer le récit. Apporter une ambiance. Après, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Je suis partisan du bruitage plus que de la musique, après, perso. Mais... Ouais, je sais pas, est-ce que la musique est intégrante quand même, un peu nos vies quand même. Donc ça me choque pas tellement. Le bruitage est sympa, mais pareil, au bout d'un moment. Mais je trouve que le bruitage, l'avantage, c'est que tu dis que c'est ton perso qui l'entend, c'est pas le joueur qui l'entend. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? La musique, c'est le joueur qui lui perçoit le truc, qui se dit ah ouais, j'imagine. Le bruitage, c'est ton perso, il est en train d'entendre un truc qu'il est en train de faire. Et c'est pas bon. Après, ça peut être aussi une ambiance. Utiliser une ambiance de marécage, par exemple, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment le personnage. Dans le bruitage et dans le. Voilà, il y a des chaînes YouTube qui font très bien ça, d'ailleurs, qui font très bien le taf pour ce genre de choses. Ça va être la différence entre vouloir mettre une ambiance sonore diégétique, donc qui est à l'intérieur du schéma de l'histoire, et extra-diégétique, qui, par exemple, la musique qu'entendent les joueurs, ce que tu disais, Ezekiel, tu vois, c'est cette différence. Mm-hmm. Moi, je sais que je mets beaucoup en scène avec la musique et j'ai vraiment playlist de fond sonore et puis après je vais avoir des musiques pour des scènes vraiment particulières. Le seul truc, c'est moi ça me fatigue au bout d'un moment. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que tu fous la musique pendant toute la partie. Moi, je l'entends plus quoi. Ça finit par la zapper parce que j'en ai trop. Je préfère que ça coupe de temps en temps et que ça redémarre, tu vois. Ça, c'est parce que t'es une personne triste, Ezekiel. c'est possible parce que j'avoue que moi la musique déjà c'est pas forcément un truc qui me captive donc... Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que je sais que je compose énormément mes parties sur de la musique, enfin en gros mes campagnes sont écrites avec de la musique et après j'improvise, mais mes personnages importants ont des musiques d'ailleurs quand mes personnages joueurs s'attachent à un PNJ, ils ont le choix d'avoir une musique avec mon autorisation, bien sûr, ils vont pas mettre n'importe quoi. Mais c'est vrai que je compose énormément avec la musique. Très peu de bruitage, tout simplement parce qu'on joue en distance et qu'on n'a pas vraiment de logiciel pour se donner des bruitages à distance et que ça serait beaucoup trop galère. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette différence. Et c'est vrai que finalement, là, pour le coup, avec le bruitage, t'es sur quelque chose quand même de beaucoup plus immersif, de même limite moins cinématographique, parce qu'effectivement, on est diégétique. Après, la différence aussi, c'est que vous préparez vos parties. Du coup, vous pouvez mettre des musiques qui collent avec le truc. Après, j'ai des parties qui sont très improvisées. Je vais avoir une banque de sons, en fait, de musique pour, je dirais, les moments, je dirais, un peu plus calmes, les moments action, les moments combat, et ainsi de suite. En plus, je ne crois pas. Les bruitages, ça doit se préparer aussi. Mais le bruitage, effectivement, je trouve ça plus facile, en fait, d'avoir une banque de bruitage où, genre, bruite pas, tu vois, que des musiques. Parce que les musiques, j'ai essayé à un moment, tu sais, de faire une banque de musique. Je me dis, on sait jamais, comme ça, je l'aurai sous la main. Tu pars, je reviens, je me dis, c'était quoi déjà? Et au final, je suis obligé de me la réécouter en entier parce que je sais plus ce que c'était. Est-ce que ça va coller avec la scène qui est en cours? Je sais plus bien. Moi, par contre, je les renomme avec des mots-clés. J'ai déjà essayé. J'ai un tableur Excel. Okay. Pour mettre cette musique, cette ambiance, j'ai un tableur Excel où je range mes playlists. Et... Oui. Ah ouais, mais là c'est parce que vous êtes déjà organisé. Mais c'est ce que tu dis. le coup d'avoir un thème en fait sur des personnages, enfin sur des méchants ou ce genre de choses, où ça va marquer les gens. Enfin, tu balances Dark Vador qui arrive avec sa musique. Tu sais, genre même à un moment, tu balances juste la musique par erreur, ils vont faire putain, il arrive. Les joueurs qui m'ont fait un stress tous les deux minutes. Voilà, c'est aussi vachement bien pour ancrer les personnages et les joueurs dans la partie. C'est que t'as une charge émotionnelle qui vient avec la musique et tu essayes de la mettre à un personnage ou un type de scène. Et si tu leur remets, ça va leur rappeler des souvenirs et des choses pas bien en général aussi. Et les mettre dans l'univers. Oui, pardon. Il y avait la campagne du réseau divin qui était construite comme ça, justement, avec des... où il donnait des indications musicales. Et il y avait un thème pour le méchant. Le méchant qui revenait de manière régulière. Hein, et justement, il avait son thème musical, en fait, hein, qui était la musique de Predator. Pour la cité, et donc ils avaient construit ça, hein, donc c'était une campagne qui était parue dans plusieurs Casus Belli, et à chaque fois, voilà, ambiance à tel endroit, et puis donner des titres de musique et autres, ce qui dans les années 90 c'était pas mal, parce que bah, voilà, on n'avait peut-être pas forcément accès à internet aussi facilement. Et vas-y, Taugoura, je t'ai coupé du coup. Du coup, non. Moi, en temps, au niveau de la musique, j'ai deux approches différentes. Quand je suis MJ, j'ai tendance à ne pas en mettre parce que je prépare mes parties à la va-vite, on va dire. Avec beaucoup d'improvisation pendant la partie, du coup, beaucoup moins de place à la musique. Et quand je suis joueur, pendant la partie, j'ai tendance à couper la musique. Mais quand j'écoute après la partie, par exemple pour des overlays, je me suis écouté sur des parties que j'ai participé en overlay et j'écoute avec la musique et je me dis « Ah, c'est tellement bien !» Même si je me dis, si je mettais la musique, le truc, c'est que j'entends moins le MJ, du coup, c'est après, faut savoir... Donc, finalement, pour toi, la musique a plus d'importance quand t'es spectateur. Ouais. Après, en tant que joueur, moi, j'ai du mal à gérer le son sur Discord, puisque bah, la musique, je peux la mettre trop haut, trop bas, ça dépend des moments pendant le morceau. Et du coup, y a des moments où j'entends plus ou moins bien le MJ, Après, c'est peut-être pour du jeu de rôle sur ordinateur, c'est peut-être moins pratique que de mettre de la musique dans un JDR. Je pense pas. IRL. Après. Ah ouais, tu vois, c'est l'inverse. C'est plus facile parce que t'as juste des boutons à appuyer, tout le monde va dans le casque. Ouais. Et... Bah ouais, c'est clair. C'est-à-dire, t'as Roll20, t'as ta playlist sur le côté, tu cliques. Pas au niveau, voilà, pas au niveau de gérer la musique, mais plus au niveau de. En tant que joueur, de perception de. Bien entendre tous les joueurs, bien... Non, mais même là, parce que moi, je vois, j'ai une table de... T'as perdu. Ouais, on t'a perdu. Et voilà, il préférait se censurer. L'autocensure. Je sais pas si nous entend encore. Oui, c'est bon, t'entends. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, les règles, Volsung, c'est de la merde. Non, ça c'était l'autre. Non. C'était il y a 15 jours, ça. Y a ouais. Non, je disais, j'ai une table de Tales from the Loop où le MJ, en fait, il a un petit bot qui nous rajoute de la musique sur Discord. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on peut nous-mêmes gérer le volume de ce petit bot. Oui. Et du coup, je trouve ça personnellement beaucoup plus pratique que justement une partie sur table où bah, si à un moment la musique est trop forte, on est obligé de se lever ou baisser le truc. Enfin voilà. Bah, après, je suis d'accord, mais je vais juste faire écho à pas mon avis, mais à celui-là de Mathieu de Rollis TV qui disait tout simplement qu'en fait, il y a un truc qu'il aime pas quand il gère la musique en ligne, c'est que c'est très difficile de gérer le son pour tout le monde, justement. C'est-à-dire que comme tout le monde peut baisser, etc., c'est plus difficile d'avoir un son que tu peux gérer. Et typiquement, bon, lui, il gère pas la musique du tout comme moi. Apparemment, il aime beaucoup la musique de film qui peut beaucoup varier, etc. Et par exemple, il aime bien à un moment pouvoir mettre le son à fond d'un seul coup pour qu'il y ait un gros screamer sonore, ce genre de choses. Et apparemment, bah, en ligne, apparemment, je ne suis pas lui, mais c'est ce qu'il avait dit, c'est moins facile à faire. C'est moins facile de torturer les gens. Ouais, voilà, tu peux moins lui éclater les oreilles d'un seul coup en disant tiens. En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'au départ, justement, je vais mettre mon bed, je vais dire aux autres, bah voilà, vous pouvez régler votre son. Et parce que vu que sur Roll20, tu peux gérer ton son et les autres peuvent gérer leur son, bah dans tous les cas, je peux quand même faire un screamer ou autre avec une musique plus forte derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se dit sur le chat? Bon, beaucoup de bêtises de la part de nos débatteurs. Écoutez, je note quand même qu'on m'avait pas dit que c'était un piège pour essayer de me faire dire des opinions politiques pour que je perde la moitié de ma communauté. J'attends les prochaines questions de Greg sur la religion et sur... pour voir à quel point je suis dans la merde. Non, ouais. Mais c'est vrai qu'au final, en fait, la question de le cinéma est-il le meilleur art projet, c'est vrai que c'est une question qui est difficile, comme disait Ezekiel, il y a du oui, non, il y a de tout. Mais au final, en plus, ça dépend aussi de chacun, comment il conçoit le jeu de rôle. Enfin, c'est, évidemment, on joue pas tous de la même façon. Un homme que j'aime beaucoup, Ezekiel, je crois, de Game of the Q, disait il n'y a pas de mauvais joueur, seulement... Je crois que c'est très bien. Genre, moi, je veux pas... J'ai entendu beaucoup de bien. Apparemment, il y a des problèmes avec sa communauté politique. En tout cas, cette personne-là... de droite, je note. Je vous prie. T'inquiète, quand t'arriveras au pouvoir, je ferai la liste de mes abonnés pour te dénoncer, pour te dire « Regarde !» Mais en tout cas, cette personne-là disait « Il n'y a pas de mauvais joueurs, seulement de mauvais stables. Hein. » Donc, c'est... Mais je trouve cette phrase absolument magnifique, par contre, parce que c'est une ouverture en mode « Tout le monde peut jouer, et s'il y a quelqu'un qui ne joue pas comme toi, tant pis. » Donc voilà. C'est vrai qu'en même temps, c'est vrai qu'on fait, enfin, on fait une activité où tu peux tellement tout faire. C'est vrai que finalement, il faut juste trouver les gens avec qui t'accroches, quoi, mais... Enfin, je veux dire, il y a des façons de jouer que je comprends pas. Tu vois, je rate ça, je me dis, mais c'est chiant, putain, pourquoi ils font ça? Et ben, t'en as qui vont adorer et qui vont rater ma façon de faire à dire, mais c'est chiant ce qu'il fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est le côté magique. Ben, l'avantage, pour le coup, là, on peut le rapprocher du cinéma. Eh ben, tu peux avoir un film où la moitié de la table ici va dire c'est un chef-d'œuvre et l'autre moitié va dire c'est nul à chier. Voilà, c'est ça aussi. Ça va voir Donjons et Dragons où tout le monde sera d'accord. Ah, c'est excellent. Oui. Ah, et là, vous excellent. Savez pas si j'ai parlé du film ou du jeu de rôle. Ah, j'essaie de le regarder. Hein. Tu sais quoi, je vais me le télécharger parce que j'en ai qu'un très vague souvenir de ce film. Je vais le télécharger légalement, évidemment, je le précise. Il y a trois films, prends les trois. C'est formidable. Il y en a trois. Il y en a déjà deux, je crois qu'il y en a un troisième. Attends, finalement, d'en avoir qu'un très vague souvenir, c'est pas plus mal. Sinon, tu regardes l'émission qu'on avait fait dessus avec Gilus l'année dernière sur ma chaîne. Exactement. Ouais. Ça, t'as un bon résumé, t'as pas besoin d'aller plus loin. Ah, ce placement. Il a raison. Complètement, j'assume. Vous avez une très bonne vidéo. Ouais, ouais, il y en a eu trois, ouais. Et il y en a un autre en préparation. Voilà. Ah, et le deuxième aussi, il est très croustillant, fonce. Ah bah du coup, celui-là, j'ai jamais vu, ça c'est sûr et certain, j'ai jamais vu. Je pense que j'ai vu que le premier, moi, c'est pareil. Hein. Les deux autres sont des directs ou DVD, en fait. Oui, ça me surprend pas. C'est de la qualité. C'était déjà... Mais non, pour rebondir sur la thématique de base, je pense que pour en plus redire un peu ce que je disais au début, le jeu de rôle est-il à rapprocher du cinéma, pas que en fait, c'est rapproche de tout ce qui peut être art narratif comme les jeux vidéo, comme les séries et tout ça, mais que c'est toujours pareil, il faut faire attention à pas confondre. Il faut faire attention à ne pas confondre les formats et que justement, si on veut être trop, par exemple, pour prendre le cadre du cinéma ou des séries où bah, les choix des spectateurs sont inexistants, sauf quand on a un truc comme Bandersnatch ou ce genre de choses, mais sinon c'est inexistant, on est seulement spectateur, et bien forcément le film, la série va aller là où elle a envie d'aller. Et c'est pour ça qu'on peut être très déçu. Mais dans un jeu de rôle, tout le monde participe. Qu'on le veuille ou non, que les règles le permettent ou pas, tout le monde participe à la narration de l'histoire. Et c'est souvent une erreur de jouer le MJ qui va essayer de forcer coûte que coûte le développement du scénario qu'il a prévu et les actions qu'il a prévues, parce que les joueurs vont pas forcément, même très rarement, réagir en fonction de ça. Et si on leur met des murs, bah, les joueurs ils sont frustrés et voilà. Mais tout est une question de savoir ce que tu pioches et où. C'est-à-dire que le cinéma peut t'apporter des choses intéressantes, des choses de narratologie, des choses, même des clichés qui peuvent être intéressants. Le jeu vidéo peut en apporter d'autres. La littérature peut apporter des descriptions, des mots, du vocabulaire. Et en fait, chacun des uns, effectivement, on puise partout. De toute façon, je crois que je ne connais personne. Qui dit moi je regarde que des films, je regarde aucune série, j'écoute pas de musique, je ne lis pas, je fais que films. Généralement on a quand même tendance à, même si on a des préférences, à quand même s'intéresser un peu au monde qui nous entoure, en fait, du coup à la curiosité temps. Notamment en ce moment où généralement tu découvres beaucoup de trucs que tu ne regardais pas avant. C'est l'occasion en ce moment. Mais du coup, c'est vrai que c'est une question de choix, c'est une question aussi de savoir quel art peut t'apporter, quel point, et justement, comme tu disais, de pas juste prendre comme ça de manière aléatoire, et du coup te retrouver avec des choses qui ne fonctionnent pas en jeu de rôle. Du coup, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, on en vient aussi à un autre point, c'est les métiers du cinéma ne peuvent pas forcément se rapprocher des métiers du JDR, on va dire, parce que tu peux être scénariste de cinéma, je te dis pas le jour où tu essaies d'appliquer tes méthodes face à des joueurs. Tu vas vite comprendre que t'es en problème. Ah oui. Alors, oui, en parlant d'art à rapprocher du JDR, quand j'ai commencé ça m'a beaucoup fait penser au conte, notamment au mouvement du renouveau du conte. Alors, c'est dommage que Ramos soit pas là, parce que là, il aurait des choses à nous dire, puisqu'il est conteur professionnel, lui. Mmh. mais peut-être hein, une thématique pour une prochaine, prochain débat. Le cinéma est-il rapproché du conte? Mais on peut en parler si c'est joliment dit, c'est... C'est-à-dire, ça fait une jolie formule, tu sais, pour parler oui. pendant des heures et tu ne sauras pas ce que tu as répondu, mais ce sera très beau parce que c'est quand même joli. Et pour tout détruire, tu fais Reloaded numéro 2 en dessous. Non, mais après, je suis pas spécialiste du tout en compte pour le coup, mais c'est vrai que Benoît aurait été de circonstance. C'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, enfin, je peux comprendre du coup ce qui peut faire le rapprochement. Et du coup, on en revient au même point, c'est que après, un, ça dépend de comment toi tu masterises et par rapport à comment tu conçois le jeu de rôle, ce que tu veux donner dans tes sessions. Tu vas prendre plus, bah, soit du conte, soit du théâtre, soit de la littérature, soit du vidéo, soit du cinéma, mais toujours en dosant, toujours en faisant gaffe quand même de pas mettre tout et n'importe quoi. Donc, ouais. Ça fait. Ok. Ah, attendez, il y a la régie qui me parle hein, et puis qui me dit que Togura n'est plus là, mais bien sûr que si. Si, je suis toujours là, Bien sûr, comme dit la bien régie, là. Je suis hein toujours là. La régie a trop bu, désolé. Veuillez nous excuser. Ouais. D'ailleurs, la culture générale est très... permet de aide à créer ses parties ou à toute forme d'art en général. De toute façon, je pense que ça reste quand même, ouais, forcément, tu t'inspires de ce que tu connais. Donc, plus tu connais de choses, mais forcément, plus tu as moyen de t'inspirer. Quoi. Ça, il y a mine de rien. Tiens, j'ai une question qui vient de popper de ces îles. J'avoue, je serais curieux de connaître votre réponse. Parce que moi, je sais que non, je ne l'ai jamais fait. Mais ça m'intéresse. Alors, je suis vraiment curieux de les voir parce que du coup, vous êtes plus dans le milieu que moi. C'est ouais, qui demande est-ce que vous avez déjà fait jouer un scénario de film? Un scénario de film? Non. Bah, non. Jamais de copier-coller, en tout cas. Autant, oui, des inspirations, comme le disait la cocaïne, hein, c'est vrai que des inspirations peut-être un peu aliens pour un scénario, justement, d'exploration d'une base spatiale un peu perdue ou autre, ce genre de choses, mais pas un scénario vraiment de film de manière totalement copier-coller. Alors, effectivement, j'ai eu des adaptations aussi. Je me souviens notamment de L'œil de la Méduse sur Delta Green, qui est une adaptation de La Grande Menace. Mais voilà, c'est adapté. J'ai adoré l'idée de ce film, j'en fais un scénario de jeu de rôle. Mais c'est jamais directement c'est le scénario copié-collé. Quoi. Il y a toujours une adaptation, il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu me diras, c'est compliqué si tes joueurs connaissent déjà toute l'histoire. Faut dire, ça ouais, voilà. De nos jours, t'es Star Wars. Déjà, il y a ça. Ça va être compliqué. Ah, mais c'était ton père, en fait. Le choc est total. Personne ne s'y attendait autour de la table. Non, mais après, c'est vrai que ça peut être un exercice de style intéressant. Après, tu me diras, il y a des chaînes qui, si tu veux regarder des films version table de jeu de rôle, t'as Roleplay That Movie qui va te faire. Bon, c'est pas la pure table classique, mais. Ça en revient un peu à ce que je disais sur la différence entre le format de jeu de rôle et le format du film. C'est que dans un film, on est dans un truc linéaire sur lequel on n'a pas d'impact. Alors que le jeu de rôle, si, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et du coup, même si on veut essayer de faire jouer un scénario de film en jeu de rôle, même si on essaie de le transcrire littéralement, ça ne se passera jamais de la même façon. Non. C'est impossible. Ah bah non. Ou alors tu forces tes joueurs de manière horrible, c'est-à-dire qu'il dit je vais à droite, tu fais voilà, non. Mais... Oui, ça suffit. Ça. Non, mais oui. C'est jeu de rôle. Non, il n'y a pas de droite. Quoi mais là, on avait dit pas de politique. Là, par contre, tu peux récupérer. Enfin, s'ils n'ont pas vu le film, c'est mieux quand même. Mais tu récupères tous les personnages secondaires, hein, toute leur motivation. Paf, tu retranscris pour avoir des PNJ un peu détaillés. T'as les images des gens, tu peux carrément faire des screenshots si tu veux, mais en gros tu récupères en fait l'essentiel du scénario, c'est-à-dire, imaginons c'est, je sais pas, Ocean Eleven. Le but du truc, c'est d'aller dans ce coffre-fort et récupérer ce que tu veux. Voilà, toi, t'as concept, tu récupères les PNJ tout autour, hein. Le méchant même du film si tu veux, et après allez-y, amusez-vous. Mais vous avez déjà la structure du film, les grands axes et les thèmes et les tons, et en fait de quoi jouer, donc... ce que je disais, oui, c'est que je l'ai fait à peu près. J'ai récupéré des morceaux de films et ce genre de choses. En général, pas un film entier. En fait, je récupère des morceaux de films à droite à gauche parce que le film entier suffit de décrire quelqu'un. Et là, mais on n'est pas en train de jouer à ce film-là. Ah, mais... Non, mais là, il y a un retournement de situation que tu n'avais pas vu venir. Surtout, c'est quand tu fais une vieille série étrangère que tu as trouvée, tu penses que tu es le seul à l'avoir regardé, tu te dis c'est bon, et évidemment, en fait, tout le monde connaît. Voilà, tu jouais à Star Wars et tout d'un coup, t'as un de tes joueurs qui fait c'est sur Kish Star Wars. Non, mais. Ouais. Alors, moi juste, j'ai pas réutilisé le truc, mais ça va être un grand moment, vous allez voir. Moi, c'est Columbo que j'ai réutilisé une fois. Parce que j'adorais le concept du. Au début, tu vois le meurtre, tu sais qui est le coupable. Démerde-toi. Juste ça, je trouvais ça chouette. Mais, non, mais c'est une grande série. Tu peux pas t'empêcher de mettre quelqu'un qui est un vieux commissaire, enfin un vieux détective, par exemple. Tu peux pas. Tes joueurs connaissent, hein, c'est pas grave, mais ils veulent avoir des. C'est les archétypes de l'imaginaire collectif, encore une fois, qui sont efficaces parce que justement, t'as pas besoin d'aller chercher. Mais je pense que ça dépend aussi de la profondeur du type de partie que tu veux donner. Du coup, et pour revenir, Théogoura, t'avais pas entendu là-dessus. Ouais, du coup, un peu pareil que tout le monde, prendre des éléments de scénario, par exemple, le mystère en huis clos, des scènes classiques du cinéma. Oui, ça se fait, mais je n'ai jamais pris du. Ouais, je crois que j'ai jamais fait de partie de jeu de rôle dans un univers de. Déjà existant. Ah si, peut-être récemment j'ai fait du My Little Pony, mais. Non, à part ça, non, j'ai jamais fait de partie de jeu de rôle dans un univers déjà existant. D'accord, ok. Donc, vas-y, Gonadine, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Pour rebondir sur ce que disait à la Corène. À la cocaïne. Cocaïne. C'est difficile. Hein. Excusez-moi. À la coquin. Ça marche aussi. À la coquin. On va l'appeler comme voilà. Ça. Vache. Ouais, on va appeler Vache Chama alors. Ouais, c'est vrai. Il y a des choix, tu vois, je donne des choix. Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci, on est quand même pour discuter. Non, mais c'est vrai que tu parlais par exemple de prendre des personnages secondaires déjà existants, parce que je suis d'accord, mais par exemple, tu parlais de prendre des screenshots, etc. Et par exemple, c'est là où je trouve que typiquement le cinéma est beaucoup moins efficace que la littérature. C'est lorsqu'un personnage est présenté par des images et non pas par une description. Moi, je sais que j'ai pas mal de mal avec ça, parce que. Pour moi, en fait, je trouve qu'une description sera toujours meilleure qu'une image. Pour une fois, une image ne vaut pas mille mots. Parce que, on va prendre un exemple que tout le monde peut vérifier. Ghosted, notre cher Régis ici présent, j'ai fait ses premières sessions. Et j'en ai déjà parlé avec lui, il est totalement d'accord. Ses premières sessions, en fait, il était perdu, il commençait. En plus de ça, il a eu la bonne idée de commencer vraiment ses premières sessions en faisant des streams en même temps. Donc, vraiment la bonne idée pour savoir ce que tu fais. Et du coup, quand on jouait, c'était du Star Wars, c'était vous arrivez et il y a lui. Et hop, il montrait une photo et il vous dit ça, etc., etc. Et moi, du coup, j'étais jamais dans l'univers parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression de faire un jeu de plateau. On me disait, hé, regarde, il y a telle photo. Et en fait, j'avais pas l'impression de vivre dans l'univers, j'avais pas l'impression que mon personnage avait une existence. J'étais juste en mode, oui, c'est un jeu de plateau, je déplace mon token et puis c'est fini. Et c'est vrai que typiquement, moi, quelqu'un, même s'il le décrit mal, moi je suis pas très forte pour décrire des personnages, mais il n'empêche qu'une description, même un peu ratée, me fera toujours mieux comprendre qui est le personnage et marchera toujours mieux qu'une photo, quitte à mettre une photo après. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans ma campagne des crimes, où je mets pas de photo pendant la session, je fais que décrire, et à la fin, on a un trobinoscope avec des illustrations que j'ai trouvées, des photographies en mode, voilà, comme ça vous les avez en tête vaguement. Mais la description importe, c'est-à-dire que les photos que je donne, c'est des indicatifs à peu près de l'archétype qu'ils représentent, mais faut pas les prendre comme une illustration directe. Et du coup, je trouve personnellement la description beaucoup plus puissante en termes de photographie qu'une photo, quoi, pour dire voilà, ça c'était le personnage. Moi, ça ne marche pas avec moi. Bah, après, en plus, je dirais même si tu utilises la photo. Ouais, il faut ajouter beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses que cette image qui est fixe en plus ne va pas raconter, c'est-à-dire l'attitude de la personne finalement. Voilà, est-ce qu'il a un tic ou ce genre de choses, tout ça, la photo ne le montre pas. Même si c'est vrai qu'avoir un support visuel, ça peut aider hein, pour construire cet imaginaire collectif au final. Ça en revient un peu à cette espèce de truc qui me fait beaucoup rire dans les débats sur internet, la notion du MJ en tant que tyran. Puisque en fait, si tu commences à mettre des images, des trucs comme ça, tu vas déposséder le joueur de son imaginaire. Ouais. Et effectivement, c'est dommage. Je suis d'accord avec ça, c'est dommage. voilà, je ne sais pas comment finir cette phrase, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Mais ouais, justement, moi je m'en sers en général. Pareil, je le fais un peu en arrière-plan. Je le fais pas en fin de session, mais en gros, je décris la personne. Je me suis servi aussi de cette image pour avoir des comment ça s'appelle, des points de description. Genre en mode, bah il a un œil qui part en biais, qui regarde sur le bas-côté ou ce genre de choses. Ça peut donner des points que je n'aurais pas eu par moi-même. Donc je m'appuie, je les redécris et après, voilà, tu poses l'image et le personnage. Ce que tu disais pour avoir un point d'ancrage. Parce que si, à un moment, les gens ont complètement oublié le... Ouais, tu te souviens vaguement le type qu'on a vu il y a genre 6 parties et 3 sessions. voilà, quoi. Même non, si moi, les joueurs s'en souviennent parce que c'est meilleur, mais... Oui, voilà, mais si, voilà, ils ont des troubles compulsifs d'écriture où ils sont en train de faire des romans pour chaque personnage, c'est différent. Mais dans l'idée, voilà, ça reste un point d'entrée, un point à côté. Par contre, pour décrire, je suis totalement d'accord. Ça, par contre, de fou. Hein. Quand toi, tu es MJ, tu te fais une galerie de personnages et ça t'aide à décrire des. Tu regardes la photo en même temps que tu le décris et ça t'aide à vraiment mettre des mots sur des petits détails, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que imaginer totalement une personnalité. Ça, là-dessus, je suis d'accord. C'est pour juste... revenir au côté de ce qu'on avait tout à l'heure avec le. Il est louche. Bon, voilà, il porte des vêtements longs et bah, essayer de décrire et pas faire trop de raccourcis d'un coup, même si t'es en train d'improviser sur le feu avec une image sur le côté. Bon, après, c'est vrai qu'avoir des fois un petit visuel, malgré tout, même si c'est peut-être juste un portrait, hein, j'ai un MJ qui adore faire une cinquantaine de PNJ. J'avoue que ça aide quand même. Ouais, là ça commence souvenir, à devenir quoi. Important. Ouais, parce que il adore créer des PNJ et du coup, on en a toujours plein. Et puis, c'est qui déjà, lui? Mais je suis d'accord, c'est pour ça que je partage moi aussi des photographies à la fin de mes sessions et qui ont un trobinoscope qui peuvent naviguer. Mais c'est juste, moi, je parle vraiment en session. Par contre, pour moi, tu gardes ta photo pour toi. À la fin, tu peux partager, ils font des trucs. Mais en session, je trouve la description plus efficace. Ouais. D'accord. Mais je crois qu'il y avait pas. Oui, pardon. Non, j'aimais beaucoup le concept de 50 PNJ. Là, ouais. Là je trouve qu'effectivement, t'as pas d'excuses. Là, tu peux essayer d'écrire autant que tu veux. Personne va retenir 50 personnes. Justement, je peux témoigner d'un truc qui rêve. Il y a des jeux. En fait, je pense les jeux qui sont à base de des jeux qui sont à base de relations de cours et d'intrigues de ce genre sont souvent amenés à faire intervenir beaucoup de PNJ. J'ai remarqué que c'était le cas avec Vampire, j'ai remarqué que c'était le cas avec La Légende des Cinq Anneaux, et en ce moment avec la campagne de Game of Thrones dans laquelle je joue, moi personnellement ça m'a obligé carrément à me créer des bases de données sur mon ordinateur de PNJ, pour noter les noms, comment je les ai recrutés, tout ça, machin. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire avec mon MJ, c'est que lui, en fait, il ne nous donne pas de visuel pour les personnages, sauf les personnages très connus, ceux qui sont canons dans l'univers, en fait, mais parce qu'on les connaît déjà visuellement. Mais les autres, il va donner des descriptions. Et ensuite, moi-même, dans ma base de données, je vais rajouter des images qui sont ce à quoi va pour moi ressembler le PNJ. Mais je le fais toujours en demandant la validation du MJ, oui. Quand même, pour pas qu'il y ait un décalage à un moment. Mais je pensais qu'il était Rasta, lui, il vient du Nord quand même. Le principe est assez pratique pour moi pour avoir un repère visuel sans forcément briser la notion d'imaginaire collectif et de description qu'il y a dans la partie elle-même. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette solution. En vrai, je pense qu'un jour, je la piquerai. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ayant tendance à mettre beaucoup trop de PNJ, moi, j'ai tendance à prendre des images pour tous les PNJ afin de pouvoir m'y repérer. Mais c'est un peu comme le MJ de Olshan. Après, en fait, voilà, ce cas, c'est qu'il faut... T'as le droit d'utiliser un visuel, je crois que surtout ce que disait Grenadine, hein, arrêtera si c'est pas vrai, c'est qu'il faut surtout pas s'arrêter que... à un visuel. Voilà, c'est surtout ça. Absolument. En fait. Mettre une personnalité derrière. Voilà, c'est ça, une attitude. Voilà, hein, c'est ça, hein, c'est une attitude. Alors, il y a Gossette qui nous pose la question, du coup, on peut rapprocher le cinéma avec le JDR, PNJ égale figurant? Absolument pas. Ben non. Non. Non, c'est le personnage Merci Gossette. Non, parce que un truc. Ça fait quand même un truc où on a pu répondre très clairement. C'est quand même pas mal. on a quand même un truc. Non. Voilà. Non, bah non, non, ça marche pas. De base, un figurant, c'est quelqu'un qui va servir de décor derrière. C'est cool. Si tu lui parles, c'est un personnage secondaire. C'est pas. Voilà. C'est déjà plus un figurant. C'est pas parce un qu'il figurant. A du dialogue. S'il a du dialogue, c'est plus un figurant. S'il est aussi un mur et une tapisserie, c'est un figurant. C'est-à-dire qu'APNJ est censé être vivant, quoi. Enfin, il est censé vivre dans l'univers, quoi. Il est pas censé juste meubler les tables quand il y a besoin, quoi. C'est... Oui. Il pour faire des figurants, tu prends une image et tu peux. Et tu mets la même image pour tous les PNJ. Pour le... ça, c'est paranoïa, ça. Voilà, là, tu reviens déjà sur les plus grands classiques. Bon, tu me diras, c'est aussi un avantage du JDR. Hein, c'est qu'une des notions importantes du cinéma, à savoir le budget. Toi, tu t'en fous. Ah, voilà. Tu veux une gigantesque forteresse avec 10 millions de mecs dedans, tu les as. C'est ouais. Ça, c'est bon. Voilà, par contre, quand tes joueurs vont commencer à demander les noms de chaque personnage dans ce truc de 10 000 personnes... Et ben, généralement, tu vas lui répondre, ils te disent de circuler. Voilà. Non, t'as un truc merveilleux sur Google, mais enfin, tu peux facilement ouais, trouver ça. Des générateurs de noms de personnages. Oui, oh, mais après, oui, t'as le piège, parce que tu es... Oui, c'est qui, lui? Ben, lui, c'est machin. Lui, c'est truc. Lui, c'est milieu. Ok. Deux jours plus tard, je vais parler à machin. Machin. Tu sais, le garde du troisième palais, du cinquième. C'est quoi son nom de famille déjà? Bah, il est mort. J'avais un joueur comme ça sur Warhammer qui me demandait mais c'est quoi son prénom à lui? Et du coup j'avais le tableau en fin de compte des prénoms de personnages Warhammer. Lui c'est un tel. Moi tu vois tout le monde s'appelle Karl au bout d'un moment s'il insiste trop tu vois c'est lui, et lui et lui c'est Karl et lui voilà. C'est Karl. Tu peux faire des trucs comme ça sur Paranoia, c'est formidable. Hein. Tu ah donnes oui. Un nom random et un chiffre, et tu peux les changer en cours de route. Les gens ils vont se dire bon, c'est normal, t'inquiète, aucun problème. Ça va être l'inverse. Pourquoi tu te c'est fait hacker, on va pas dire sinon on va être tes traîtres. Ça va le faire. Ouais, Gossette qui se lance des fleurs dans le chat. Hein. Là, voilà, oui, oui, avec là, une là. Question, on fait là, vivre un débat. Il s'occupe. Ah là là. Parce qu'on parlait pas depuis 1h30, ça tombe bien. Merci Gossette. Alors, le pauvre, en fait, lui, il arrive, il tente de faire un truc, il s'en prend plein la gueule. Voilà, est-ce que Gossette est un PNJ? Vous avez 2 heures. Alors oui, vraie anecdote, mais Gossette a intégré mon groupe d'abord en écoutant les sessions. Et en fait, il se mettait un nom de PNJ, genre aléatoire, et il mettait des commentaires pour influencer l'histoire. Voilà. Gossette a commencé cool, à PNJ. Ah, attention, ça, Gossette peut parler quand même, hein. Il a le droit de dire des choses. Ah merde. Il est là. Attendez l'intervention. Non, non, mais je me marre bien, donc il n'y a pas de souci. PNJ ou figurant t'as aimé quand même la période PNJ où tu faisais arriver des choses. Ah, mais moi, je me suis éclaté à faire ça. Il s'est passé des choses grâce à mes petites phrases bien placées, donc... Totalement. Et des gens me détestent aujourd'hui, d'ailleurs, à cause de ça. Oh que oui. On veut toujours. Hein. Bon, je vous laisse retourner à votre débat. Une voix... de narrateur ouais, qui vient de paraître, là. C'est ça, hein. C'est... Alors, quel est votre usage du narrateur? C'est parti. Ah bah voilà, allez. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser le code du cinéma connu de vos joueurs pour appuyer vos histoires ou feinter vos joueurs? Bah ça oui, on en a déjà parlé. Un ouais. Peu à la bourre. Ça c'est le mauvais élève qui a pas suivi au fond là. Ah les salauds. Elle est arrivée au milieu du truc. Alors, voilà, c'est vrai elle qu'on sur la rediffusion déjà parlé. Du coup. Tu est-ce que je suis arrivé au milieu du truc moi? Alors. Mais donc, vas-y. Oui, mais c'est ce qu'on l'avait déjà dit, mais oui, enfin, on s'appuie même inconsciemment sur les codes du cinéma, mais aussi, enfin, on en parlait de retourner les codes pour surprendre les joueurs, mais aussi c'est très très intéressant de s'appuyer sur les codes qu'ils connaissent, un cliché ou ce genre de choses, parce que ils vont réussir, ils ont déjà les notions de base du concept. Qui vont aider à faire comprendre la chose le plus vite. C'est-à-dire que tu as moins de travail à faire à approuver un cliché, hein, je mets des grandes guillemets, d'approuver un code qu'ils connaissent déjà que de le retourner, je pense. Alors, après, je sais pas, je suis d'accord. Mais j'ai eu un, en fait, une expérience assez récente, c'est sur Ecrim. Alors, un jeu que j'adore, je vais dire un petit peu de mal, donc d'abord, je vais dire beaucoup de positivité. Ça, c'est vraiment mon jeu favori de ces dernières années, donc c'est vraiment un jeu que j'adore. J'aime beaucoup les auteurs, voilà, Alexandre Clavel, tout ça, je vous aime beaucoup. Mais... attention, il y a le mais. Mais j'ai fait un scénario récemment qui s'appelle Sur les dents, qui est du coup une grosse référence à Alien. Et moi, mon problème que j'ai eu quand j'ai préparé ce scénario, outre le fait qu'il y avait du coup 50 PNJ, parce que bah, t'es dans un slasher alien, donc il fallait qu'il y en a beaucoup qui meurent, mais une chance qu'il y en a qui survivent. Vraiment, moi, ce qui m'avait vraiment beaucoup dérangé, c'est que l'écriture était un peu trop cinématographique. Ce que disait Greg tout à l'heure, c'était vraiment en mode les joueurs vont réagir comme des personnages en fait de films, et en fait, ils prévoyaient jamais une possibilité de. Vous voyez, de gauche-droite, c'était toujours ils vont aller, il va se passer tel événement, tel événement, tel événement. Donc, oui, mais si mes joueurs décident de pas aller là-bas, ils vont rater les trois quarts des informations. Si mes joueurs décident de tatatitata. Et du coup, j'ai dû dire à mes joueurs avant la session, bon, aujourd'hui, comportez-vous comme des gros personnages de film. Hein. Faites des choix qui ne cherchent pas votre survie, mais qui cherchent le beau jeu. Et ça a marché. Mais n'empêche que je trouve ça un peu dommage, parce que j'aime bien quand même que bah, les personnages, ils les jouent comme ils ont envie, et nous, on a tendance à jouer ça comme, bah, comme des vrais personnages, tu vois. Tu vas pas dire, bon, allez, je me sacrifie, c'est qu'une vie. Oh, qu'est-ce que ça ouais. Ouais. C'est, ouais. Après, c'est si c'est dans la personnalité du perso... Oui, si, a... si ça peut être amené, tu peux être suicidaire, mais voilà, c'est pour dire, ouais, utiliser les codes. Pardon, excuse-moi. Il y a une mécanique qui fonctionne assez bien. Je reviens encore sur ma table de Game of Thrones, maîtrisée par Alexandre. Lui, il nous a donné une règle. En fait, il a dit c'est Game of Thrones. Donc, Game of Thrones, c'est un univers qui est vachement létal et tout ça, machin. Il a dit, c'est simple. Un personnage qui meurt, c'est un joueur qui quitte la table. Voilà. Et ben, je peux vous assurer que ça régit vachement le comportement des joueurs. Qu'on est beaucoup moins dans le comportement héroïque et compagnie, parce qu'on sait que si un personnage y meurt, on peut pas en recréer un sur un coin de table juste après. Et alors évidemment, encore une fois, ça s'adapte au type de jeu que tu vas faire et au type de partie. Mais pour un univers aussi lourd et dramatique que Game of Thrones, et ben, ça fonctionne très bien et ça nous met une tension pendant les parties. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Ah ben, ça, pour l'anecdote... Ça... Pardon, vas-y. Non, pardon, mais c'était vraiment juste pour dire, moi j'adore ça, parce que le joueur, ça lui fait une pression vraiment sur les épaules, c'est « Ah ben ta vie, tiens, c'est fini !» Mais pareil, moi j'ai un DMJ qui est la même chose, j'ai mon MJ, c'est toutes ces campagnes par contre, hein. Tu meurs, tu quittes la campagne, et c'est absolument génial, parce que, et d'ailleurs, pour l'anecdote, il fait aussi, quand il manque des joueurs, il fait des one-shots dans la campagne, et à un moment, il y a eu... deux joueurs qui ont failli mourir et il a commencé à paniquer en mode mais ils peuvent pas mourir dans un one shot, qu'est-ce que je fais. Mais il a beaucoup paniqué, mais j'adore beaucoup moi franchement cette solution de dire voilà tu meurs, tu dégages, et justement parce que ça crée vraiment cette pression là et puis ça donne j'ai le droit de cracher sur des gens publiquement ou pas? Non, c'est pour alors, savoir. C'est pas ma chaîne, vas-y. Il est de droite avant que je n'approche pas les propos et que je ne suis pas concerné. On m'a dit ça, je ne pas les sentir, du coup ça. Que c'est l'a dit que tu pouvais te lâcher. Il y a une émission que j'aime pas, moi personnellement, sur YouTube, qui est par la team d'aventure, où ils avaient fait une saison zombie. Et dans lequel, en fait, c'était qu'ils avaient plein de PNJ. Et en fait, pour moi, c'était déjà la mort du jeu de rôle. Enfin, entre guillemets, hein, j'exagère beaucoup. C'est une hyperbole. Mais c'était vraiment en mode, ils jouaient en mode, ouais, au pire, c'est pas grave, je meurs, je retire un nouveau personnage. Et moi, je suis en mode, ah, non. Et à l'inverse, justement, à un moment, il y en avait un qui avait un personnage qui lui plaisait pas. Du coup, il a pris plein de risques. il me semble. C'est pas faux. Mais moi, j'avais vécu ça aussi avec un MJ où on jouait à D&D et puis il y avait plein de pièges partout. Et ça mourait un peu, ça commençait à mourir un peu en boucle. Et en fait, ben, les gens refaisaient un perso en boucle. Jusqu'au point où, à un moment, en fait, j'étais le dernier combattant à survivre après un combat. Et les healers qui me font ouais, je vais pas utiliser mes sorts de soins. Autant que tu meurs et que tu te refasses un perso. Ouais, voilà, c'est différent quand même. Bon, c'est sûr que voilà. Ça fait bizarre. Après, encore une fois, si c'est le délire des gens autour de la table, pourquoi pas. J'avais l'impression qu'il y avait moi qui étais choqué. Oui, voilà. Je découvrais ce club de JDR à l'époque. Tu n'étais pas avec le groupe qui nous. Voilà, j'étais pas dans le mood. Nous, on avait un truc, mais qui était différent, où. En fait, on avait des personnages qui mouraient pas souvent, bah, c'était quand même assez difficile, mais il y avait de l'instinct de survie. Mais on avait aussi une règle spéciale qui était, si tu décèdes, t'as le droit à une dernière action héroïque, Ça va être le moment culminant en mode la lumière elle va s'allumer, c'est toi qui es sous les projecteurs, finis ta scène et après tu pars quoi, t'es décédé. Sauf que c'est des personnages qu'on essayait de garder le maximum de temps parce que on jouait dans D&D de la manière que si tu tombais à zéro et que tu revenais, t'avais des blessures, mais des blessures graves, hein, c'est-à-dire que j'avais un moine qui a perdu une jambe. Et du coup, j'ai continué avec ce personnage-là. Avec des Warhammer. Un peu la mode Warhammer, quoi. Mais l'idée, en fait, c'était que tu vas le retirer de la partie en mode, on va faire une scène, en mode, tu quittes le groupe, en mode, je peux plus me battre. Hein. Enfin, vous avez vu que dans quel état je suis. Tant pis, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui va rejoindre l'histoire. Mais l'idée, en fait, c'était de ramener dans la narration, un peu comme le coup du si tu décèdes, t'es mort pour de vrai, du coup, t'as du gros drama. Là, c'était. Si je quitte ce personnage, on va le faire avec un bang et on va le faire de la belle manière. Mais ça marche pas sur du meurs pour de vrai. Voilà, ça marche pas sur du Midgrinder en fait dans une autre manière de faire. Parce que toi, ce que tu disais avec on est en train de faire des personnages à la chaîne, t'as pas d'attache émotionnelle. Du coup, leur donner une super action de gloire alors que tu vas les balancer dans le premier trou venu, ça a aucun intérêt. Enfin, ça a pas d'intérêt pour la narration. Oui. Donc ça dépend des joueurs, ça dépend de la partie. Enfin, pour Game of Thrones, ça avait du sens. Pour notre type de partie, ça avait du sens aussi. Ça vient avec le type de narration, de ce que tu essayes de raconter dans la partie. Je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Hein. Et après, sans pour autant aller jusqu'à forcément des séquelles physiques, ça peut être des séquelles psychologiques, un peu comme dans Warhammer. Quand tu subis une attaque critique, tu te prends des points de folie. Et autant, t'as les joueurs... Bon, ils ont peut-être encore tous leurs membres. Par contre, dans la tête, ça va plus très bien. Ils ont tous les cases en moins. C'est pas les cases en moins rigolotes, hein, Warhammer en plus. Hein. C'est la case en moins. Non, comprends vite qu'en fait, ça va t'emmerder très fort. Et du coup, par rapport au fait que si le personnage meurt, il quitte la campagne. Moi, j'avais fait une campagne. C'est Tyr qui avait géré la campagne 7 familles où on était 21 joueurs. Et ceux qui mouraient quittaient la campagne. La campagne est toujours en cours et on n'est plus que 13 joueurs sur la campagne. Mais enfin, 21 joueurs, comment ils gèrent ça enfin, Cette équipe de 3. D'accord. C'est des familles qui se mettent sur la tête. Vraiment pas mal. Enfin, le concept est cool. Après, ouais. Je sais pas combien de temps ça a duré parce que là, 21, ils sont à 13, ça fait un bon moment que ça dure. On a fait plus de 50 parties. C'est pas mal. Ouais, en 10 ans, il en reste rien. Au départ, ça devait durer 3 ans, la partie. Là, on est actuellement en pause. Je sais pas quand ça reprendra. Mais je suis encore en vie, du coup, voilà. Du coup, ça fait des actions où tu réfléchis avant de faire ton action, voir si tu vas vraiment mourir. Et le coup de la scène stylée, il nous la fait régulièrement. À chaque fois qu'un joueur est sur le point de crever. Quand ta partie a duré plus de 4 ans et tu dis bon, ça va être le moment de ranger la feuille. Carrément. Mais à part le décès et quitter la table, j'ai pas. Et ou l'inverse complet, j'ai pas d'autres techniques comme ça vraiment. Hein. ça se balance des tacles. Il y a des skis dans le chat. Alors, en tout bien tout honneur, mais c'est parce qu'on n'a pas pu se voir au festival de la Dragon à cause de. on décharge. Ça. En temps normal, vous le savez pas, mais quand on se réunit, on se pourrit dès que j'en rate pas. Donc là, ouais. D'accord. Comme on peut. Il y a un manque. L'année dernière, on était assis à une table d'écart, je crois. C'est bonne ambiance, c'était ça. c'est le moment où il dit bonne ambiance, il te serre bien le poignet, tu vois, bonne ambiance. Tu vois. Ok, si vous avez encore des questions dans le chat, du coup, hein, par rapport à ça, il nous reste encore une petite dizaine de minutes avec vous, donc n'hésitez pas. Va falloir faire un rap contender entre Ezekiel et Greg. Je sais pas si t'es doué là-dedans. Je peux te faire un retro wave contender si tu veux, mais pas plus. Vous avez 9 minutes pour vous décider. Hein. Bah, écoute, on peut faire un contender à la limite, on souche sur la gueule, peut-être plus simple, hein, je sais pas, on attend la fin du confinement. Bah, vous avez vos câbles l'un à côté de l'autre. Hein. Non, mais tu sais, on va faire comme à une époque, tu sais, les clashs en vidéo YouTube. Comme ça, on va gagner, on va gagner une célébrité monstrueuse. C'est, Ah, c'est ça, le buzz et tout. Et est-ce que finalement ce n'est pas une forme de cinéma, hein? On en retrouve aussi les starlettes. Finalement, est-ce que les gens qui font de l'actuelle plaie ne sont pas les starlettes des temps modernes dont on veut savoir quels chips elles ont mangé ce midi? Finalement, si. Et voilà, il faut qu'on fasse des clashs, il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on... Et est-ce que finalement nous ne sommes pas en train de jouer un rôle? Et là, vous voyez, on est dans votre esprit maintenant, ça devient très compliqué. Vous ne savez pas si on est là, si on est en vous. Est-ce que je suis votre voisin? Est-ce que je suis derrière vous? Vous ne savez pas. Est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que c'est du jeu de rôle? Tout va bien. Ça suffit, espèce de jeune. C'est... Non, sinon, je sais pas, on peut discuter un petit peu de l'apport de la nouvelle vague coréenne dans l'approche du jeu de rôle moderne. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire. N'est-ce pas, Grenadine? Ouais, oui, tout à fait. J'en ai aucune idée de quelle approche ajouter. Écoutez, si vous voulez, je suis sûr qu'on peut tenir pendant 15 minutes à donner l'impression qu'on fait un débat ultra intellectuel en faisant semblant. Ah oui, non, mais y a pas de souci. C'est ça, c'est ça. L'art de JDR, c'est l'art de faire semblant aussi. Hein. Bah, l'art de l'improvisation. C'est très beau. Remarque, imagine quelqu'un qui va débarquer au moment où on va commencer à faire « Mais monsieur Greg, vous êtes spécialiste effectivement en littérature coréenne du 12e siècle, mais je voudrais savoir votre opinion sur les sujets actuels, monsieur Greg, vous ne nous répondez pas. » Alors, je tiens à vous dire que tout de même... Le maréchal von Porten-Trop l'avait bien dit à l'époque. Qu'est-ce que l'art à part une interprétation de la subjectivité? Et vice-versa. C'est pas faux. Si vous êtes en danger, clignez des yeux 3 fois. Quelqu'un viendra vous chercher. Écoutez, moi j'attends mon invitation pour une émission à France Culture maintenant. Hein. Merde. Ouais. Ah, le tremplin, c'est le tremplin. Hein, ah, c'est le tremplin. Hein. Moi, j'attends le moment où on pourra me dire au début de l'émission, monsieur Fortin, vous avez parlé donc du cinéma en tant qu'art par rapport au jeu de rôle. Et alors là, ça sera beau. Là, je me sentirai là, je me dirai, ça y est, cette fois, j'y suis. Mmh. Effectivement, je répondrai, ça dépend. Des JDR. Ouais. Ce qui est très pratique d'ailleurs, en fait. Maintenant, c'est, si vous avez besoin, c'est super technique. Hein. Vous avez un souci, ça dépend. Voilà, vous avez... Tu penses quoi de ça? Ça dépend. Okay, oui, t'as l'air vraiment de bien connaître le sujet, tu vois. Tu peux pas te permettre de dire oui, de dire non, ça dépend. Tu sais. Oui, peut-être que. On a vu un précédent débatteur qui était oui, ça dépend, mais faut en parler avant. Ouais, faut en parler avant. Ça, c'était la réponse. À quel jour tu as raté quelque chose, oui et non. C'est ça. Du coup, bah, je pense que. On a dit beaucoup de bêtises, hein, et donc, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce débat pour ce soir. Hein. Le cinéma est-il l'art à rapprocher du JDR? Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Hein. Mais l'avantage, c'est que nous sommes tous d'accord là-dessus. A priori. C'est vrai que c'est assez unanime. Hein. Ouais. Au cas par cas. Et donc, nous allons rendre l'antenne. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Il y a Jeanine Corr qui est arrivée, Geek Library, il y avait Césile également qui était là. Donc, alors, je remonte un petit peu dans le chat. Il y a Volsung qui a lâché 2-3 trucs aussi. Volsung également qui était là. Mara, c'est ça. Également, Indécis. Il y a la petite potion qui parle un petit peu dans le chat. Ah, apparemment, hein. Très sympa. Ouais. Non, mais il y avait Arféor qu'on salue aussi. Oui, absolument. Couillu aussi qui était là. Voilà, hein. Il a attendu ce moment. C'est ça. C'est son heure, tu vois, c'est ça. Dis mon pseudo. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne soirée et on va vous dire, je crois, dans 15 jours de nouveau, le nouveau débat. Alors, on n'a pas cherché le thème. Gossette, tu peux me confirmer? Voilà, voix divine. Merci. La voix de la régie. Voix divine, réponds-nous. Tu m'attendais à ça dépend, comme on va dire. Voilà, ça dépend. On va l'invoquer. J'ai pas entendu la question. Super. La meilleure réponse. J'ai pas entendu. Est-ce que le jeu de rôle, c'est de droite? Ah, non. Oui, ça dépend. Prochain sujet. Je voulais dit tout de suite, je ne serai pas là parce que je n'ai pas ma vie. C'est centriste. Non, mais le sujet dans 15 jours n'a pas été décidé. Le sujet dans 15 jours, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, le sujet dans 15 jours, comment débattre quand on n'a pas d'idée? Alors, le voilà. Film me plaît bien, moi. Le JDR, un loisir bourgeois. Un loisir bourgeois. Voilà. Après, ça, on a plein de sujets, mais il faut faire le choix du sujet. C'est ça, eh bien, nous verrons ça. En tout cas, on tire un des 20 et on choisit le sujet au hasard. On n'en a pas 20 en stock, hein. Donc on va souvent devoir relancer le dé. C'est un des 20 pour choisir père ou impair. En fait, c'est un jeu de rôle en soi, quoi, le choix du sujet. Quoi. C'est bien, voilà, vous avez toute une activité. On va pas commencer à parler de narrativisme à 22h57. Coupe l'antenne, coupe l'antenne. Voilà. Eh bien, alors, je vous remercie d'être tous venus ce soir. Voilà. Eh bien, bonne soirée à vous, hein. J'en profite. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et du coup, on est là jeudi, nous, pour du jeu vidéo, Gossed. Ouais, exactement. Divinity, c'est ça. Voilà. Divinity Original Sin 2. J'en profite aussi. Et aussi, ouais, une super vidéo de Grenadine aussi pour jeudi. Et moi aussi. Non, c'est pas vrai. Alors, on attend toujours. Le mec, il en prépare 15 en fait. Il va les sortir tous les deux jours. Oui, bien sûr, ouais. Bah, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez, salut, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Et n'oubliez pas, ça dépend. Ça y est, c'est... J'espère que ça a été...